Salut à tous, bienvenue, c'est la Red Argus Sport, c'est Radio Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Red Arc, il est 20h36. Et on est ensemble pour une émission de 2 heures quasiment, avec un programme que je vais vous détailler dans un instant. Avant cela, pour nous écouter, je vous rappelle, ça se passe où ? Sur la fréquence 96.2 FM, en voiture, dans la maison, au travail, où vous voulez. En tout cas, bon courage à vous si c'est le cas. Et sinon, bien sûr, le site radio-arc-en-ciel.com, où vous pouvez aussi avoir le live. Pour nous joindre, ça se passe aussi sur les deux canaux suivants, le Facebook, la Red Arc du Sport. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur tout ce qui va se passer ce soir. Et puis également, vous pouvez proposer vos titres, puisque c'est vous qui faites la programmation ce soir encore, avec un programme que vous allez décider. On commencera d'ailleurs avec Ed Sheeran qui nous est proposé ce soir, donc on commencera avec ça et puis après c'est vous qui faites la suite. Ça c'est pour vous proposer les sons, et puis sinon vous pouvez aussi nous appeler directement au standard, je rappelle 02 38 43 80 00, 02 38 43 80 00. Voilà pour pareil réagir avec nous sur le direct. Et puis, comme le fera d'ailleurs tout à l'heure Jérôme, qui sera avec nous vers 22h15 pour la dernière partie foot. Et il sera avec nous pour débriefer toute cette actualité. L'actualité du foot, ça se passera avec la Ligue 1, qui hier a vu la victoire du Paris Saint-Germain, qui a battu Reims assez largement d'ailleurs, à 4-0. On reviendra aussi sur la défaite de Monaco, qui se déplaçait à Montpellier. La victoire de Nice à l'extérieur, Marseille aussi qui s'est imposé à Lens un petit peu plus tôt dans le week-end, et puis la victoire de Lyon qui ouvrait la journée face à Saint-Étienne dans le derby. Donc on reviendra sur tout ça tout à l'heure. On aura aussi la Ligue 2, bien sûr, l'USO en national qui s'est imposé. C'était important face à Boulogne-sur-Mer, ça n'a pas été simple, mais il fallait gagner. Chose faite. Et puis enfin, la CAN, bien sûr, qui continue avec ce soir la suite des huitièmes de finale. On suivra en direct un match, ce sera le Cameroun face aux Comores. Le Cameroun mène déjà 1-0 à la demi-heure de jeu, but de Toko Ekambi. Et puis un peu plus tôt dans la soirée, c'est la Gambie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en disposant de la Guinée sur le même score, 1-0. Voilà pour le foot et pour le direct de foot ce soir. On en aura d'autres d'ailleurs, je vous en parle dans un instant. On parlera aussi donc de tennis. L'Open Australie, ça continue avec des Français qui sont bien installés dans cet Open Australie. On pense à Gaël Monfils notamment, qui lui s'est qualifié pour les quarts de finale du Grand Chelem en disposant en huitième de finale de Kecmanovic, qui a fait aussi un beau parcours. On reviendra sur son parcours depuis le début du tournoi. Voilà, donc on connaît cette affiche. On connaît aussi d'autres affiches, notamment Shapovalov Nadal, Sinner Tsitsipas ou encore Ogyalesim Medvedev. Un gros programme en fait, hein, pour ces quarts de finale. Et puis chez les simples, dames, là aussi, une Française, c'est Alizé Cornet qui a réalisé l'exploit de sortir l'ancien numéro 1 mondial Simona Halep en huitième de finale. Elle affrontera pour une place en demi Collins, l'américaine, avec là aussi de grandes chances de passer l'obstacle. Pourquoi pas atteindre sa première demi-finale en Grand Chelem. C'était déjà son premier en quart de finale, donc on espère un peu plus encore pour elle. Ça, ce sera tout à l'heure aussi, donc la partie Open Australie, donc la partie tennis. On aura ce soir aussi au programme du rugby avec le tournoi destination qui s'approche de plus en plus, avec une liste qui bouger un petit peu, évoluer un peu, puisqu'il y a des forfaits, il y en aura d'autres aussi d'ici là, bien sûr. On pense au Covid qui va certainement faire bouger encore la liste, et on vous proposera donc une première liste. Et puis les Coupes d'Europe avec la fin de la phase de poule, les qualifiés, avec notamment le Racing, La Rochelle, avec notamment Bordeaux-Bègles, voilà, et puis on parlera des autres aussi tout à l'heure, qui se qualifient pour la suite, pour donc les huitièmes de finale donc de cette Champions Cup, et puis on parlera aussi de la autre compétition où on retrouve aussi des clubs français qui sont qualifiés. La grande différence cette année, puisqu'on a l'entrée des huitièmes de finale, alors que précédemment on était directement en quart de finale. Voilà aussi la grande différence de cette nouvelle version de la des Coupes d'Europe. Rugby donc avec ce point-là, et puis bien sûr avec aussi, on le disait, le tour des destinations. Du basket également, avec bien sûr la suite de la saison de NBA. On parlera aussi de du championnat de France, où l'on retrouve l'OLB qui malheureusement s'est incliné assez logiquement à domicile face à Monaco. Hein. C'était une marche assez haute et la marche n'a pas été passée par l'OLB. Et puis un point aussi sur les qualifiés dans les différentes coupes d'Europe de basket. Et on aura aussi du handball ce soir, bien sûr. Important, c'est en direct. C'est l'équipe de France qui joue son troisième match du tour principal. L'équipe de France qui est en mauvaise posture dans ce tour principal, puisqu'il a perdu face à l'Islande assez largement d'ailleurs. C'était samedi, et qui du coup se retrouve dos au mur. Il faudra absolument s'imposer ce soir face à au Monténégro, et également et ça sera plus dur, mercredi face au Danemark, et encore ce sera peut-être pas suffisant malgré peut-être ces deux victoires pour se qualifier pour les demi-finales. Tout se jouera aussi bien sûr sur les résultats de ces deux autres équipes, l'Islande et le Danemark. Danemark d'ailleurs qui s'est qualifié pour les demi-finales puisque le Danemark s'est imposé tout à l'heure face aux Pays-Bas assez largement et qui s'est qualifié. Et la bonne nouvelle en revanche, c'est l'Islande qui a été battue, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France, puisque ça va permettre de laisser l'Islande derrière en cas de victoire et de succès ce soir. Ça c'est plutôt une belle affaire. Et donc il faudra on en reparlera, mais le programme qu'il faudra réaliser pour se qualifier, en tout cas en cas de succès ce soir, la France reprendrait seule la deuxième place et peut-être jouerait la première place face au Danemark lors de la dernière journée mercredi. On n'en est pas là, en tout cas il faut déjà gagner ce soir. Le score en direct, 8-6 pour les Bleus, qui dominent pour l'instant son sujet, même si l'avance n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit en tout cas pour l'instant. À l'instant, une barre du côté de Monténégro, donc 8-6 toujours, 12 minutes de jeu. Voilà, le match est lancé. Il y aura également encore des cas de Covid d'un côté équipe de France. On rappelle aussi que Guillaume Gilles, le sélectionneur, est lui aussi pour l'instant isolé puisqu'il a été touché. On pense aussi à Romain Lagarde qui lui aussi a été alors lui de son côté c'était plutôt Fabregas, pardon. Pardonnez-moi, Fabregas qui lui était grippé, alors pas Covid, pas positif, mais en tout cas grippé, et qui du coup ne sera pas non plus présent ce soir. Voilà, et on avait également donc notamment Quentin Maé aussi qui était Covid. Donc voilà, ça fait beaucoup de postes qui ont manqué, et on espère retrouver les joueurs au meilleur de leur forme pour mercredi. Alors peut-être pas pour Quentin Maé, mais en tout cas peut-être Fabregas et puis également celui qui avait pas pu jouer, Mathieu Grimby aussi qui est arrivé, hein, on le rappelle, et puis également Emric Ming qui lui aussi malheureusement pas Emric Ming, lui il est pas Covid pour l'instant, Carl Conan pardon qui fait son retour puisqu'il était positif le 18 janvier, donc il fait son retour aujourd'hui. Et puis Ludo Fabregas, il est sur la feuille, mais est-ce qu'il va jouer? En tout cas c'est moins sûr. Carton rouge pour le Monténégro à l'instant, ça fait 9-6 pour la France, et carton rouge, alors j'ai pas pu voir l'action, mais visiblement c'était suffisant pour les arbitres. Alors on va revoir l'action. C'est sur Nicolas Carucci. Ah oui, une main dans le visage du capitaine français. Puis ça semble assez le capitaine en plus de Monténégro. Ça semble assez volontaire en plus, puisqu'il d'abord repousse Karadžić de la main droite, et puis ensuite avec sa main gauche il va venir taper le visage du français. Assez logique ce carton rouge, donc ça fait 9-6, et du coup une expulsion temporaire pour le Monténégro. Donc ça va faire les affaires, on l'espère, des Bleus. On poursuit, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure un peu plus de cet Euro, hein, on va pas faire le sujet avant. On parlera aussi de l'équipe de Fleury et de féminine qui poursuit sa saison dans ce championnat de France avec la réception de Plan de Cuq, malheureusement défaite pour les Panthères qui sont inclinés 31-29. Voilà, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis pour finir aussi avec le programme, le début de la saison de rallye, des rallyes de WRC, avec la victoire pour Sébastien Loeb qui faisait son retour pour une course en tout cas déjà dans ce championnat du monde et qui s'est imposé devant Sébastien Ogier. Donc Sébastien Loeb qui devient avec cette victoire le plus vieux vainqueur d'une étape du championnat du monde des rallyes, donc à 47 ans, encore un record de plus pour le Français. Et puis on clôturera bien sûr avec la dernière étape de la Coupe du Monde de biathlon avant les Jeux. Ça se déroulait à Antols, en Italie, et des Français un petit peu moins en forme que cette dernière semaine. Malgré tout, ça fait quand même quelques podiums et ils sont prêts, on l'espère. Il y aura encore une petite préparation avant, en tout cas, pour ces Jeux Olympiques de Pékin, donc qui arrivent très très vite maintenant. Voilà pour le programme ce soir. Donc plein de choses et les directs. Donc bien sûr, l'équipe de France, pardon, face au Monténégro. C'est le fil rouge de ce soir, puisqu'il faudra absolument gagner pas se qualifier, parce que malheureusement la défaite face à l'Islande ne permet plus de se qualifier dès ce soir, mais en tout cas de rêver d'une finale face au Danemark. Et pour ça, il faut s'imposer ce soir. 10-8 toujours le score, avec un échec à l'instant. Je n'ai pas vu le joueur, en tout cas c'est un échec côté français. Donc toujours 10-8, on joue le premier quart d'heure, on touche juste la fin du premier quart d'heure. La CAN, Cameroun Comore, toujours 1-0, 40 minutes de jeu. On suivra aussi c'est parti aussi depuis quelques secondes. Caen Ajaccio, c'est en Ligue 2, un duel déséquilibré entre Caen 16e et l'AS Ajaccio 2e, c'est sur Beansport 2 pour regarder cette rencontre. Et pour le Cameroun d'ailleurs, ce sera aussi c'est sur Beansport 3 que ce match est diffusé. Et puis sinon, il y a également en national Annecy 3e face à Concarneau 2e, ça c'est un match de haut de tableau. En revanche, 3e minute de jeu, 0-0, et ça c'est sur Canal Plus Sport que vous pouvez suivre cette rencontre de National. Et puis pour le hand, c'est sur Beansport 1 pour l'équipe de France face au Monténégro d'ailleurs. Et puis le match face au Danemark, lui, sera aussi diffusé en clair, comme c'était le cas face à l'Islande. Encore un échec côté français, heureusement on a récupéré le ballon. Et non, finalement on l'a reperdu. Donc deux échecs consécutifs pour la France, il va falloir réagir. Oui, le match face au Danemark qui sera diffusé mercredi sur TFX, comme elle a été d'ailleurs diffusé match face à l'Islande sur TMC samedi. Et celui-ci de ce soir, non, en revanche, n'est pas diffusé en clair, mais pour la Danemark, ce sera le cas. Et certainement également aussi pour la demi-finale et la finale si les Français se qualifient. Voilà les directs de ce soir. Laissons, je vous le disais, ça démarre avec Tiran tout de suite. Et puis pour la suite, c'est vous qui choisissez. Je vous le rappelle, on démarre tout de suite, ce qui est déjà 20h49. Et ensuite, on va démarrer très vite le programme. 10 à 9, c'est le score pour l'équipe de France toujours. 16 minutes de jeu. Attention les Bleus, attention qu'ils ne sont pas sereins ce soir. C'est parti, Ed Sheeran, on se retrouve juste après, à tout de suite sur Arc-en-Ciel 96.2, à tout de suite. I never to the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more, ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar, fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars, ooh yeah. I wanna feel like I was Ed Sheeran à l'instant avec ce titre Shivers. C'était pour le premier son de ce soir, alors qu'on rappelle c'est toujours le direct donc entre l'équipe de France et le Monténégro, donc dans 7 euros avec à l'instant une alors j'ai a priori une expulsion temporaire pour l'équipe de France et je crois qu'il y a eu un carton rouge si je dis pas de bêtises, parce que on voit Vincent Gérard qui a quitté le banc. Alors on va revoir l'action, un ballon en profondeur. Ah oui, et alors visiblement on est en train de revoir les images et on aurait une main sur en visage pour de Vincent Gérard sur l'attaquant enfin sur le joueur du Monténégro, et on a revu l'image. En tout cas, ils ont longuement revu les images, les arbitres, et la décision qui a été prise, c'est un carton rouge. Donc pour, ouais, c'est ça. C'est bien suite à visionnage de la vidéo, Vincent Gérard qui a pris un carton rouge et qui a compris un petit peu du coup le son sort et qui s'est excusé auprès du joueur en plus. Mais en tout cas, ça fait. Ça ne fait pas les affaires des Bleus encore. Vincent Gérard donc il expulsé directement. Donc une expulsion temporaire de 2 minutes, ça c'est sûr. Et surtout Vincent Gérard qui va plus revenir sur le terrain. Alors, ça semble un peu sévère parce que sur l'image on voit pas la main de Vincent Gérard qui touche le visage. Il touche les mains du joueur, ça c'est sûr. Ah oui, alors les arbitres c'est pas suite à la main sur le visage qui est sanctionné puisque ça n'a pas touché, c'est d'avoir touché les mains du joueur alors qu'il était plus dans sa zone. Et ça, c'est ça qui a été, et ça, c'est vrai qu'on, c'est pas autorisé. Et c'est ça qui a été mis en avant pour les arbitres pour justifier cette expulsion. Donc, c'est déjà fini pour lui. Et on va devoir faire appel donc au gardien remplaçant, alors que ça fait 11-10 désormais pour les Bleus. Et c'est Monténégro qui a une balle de 11 partout. Attention sur ce ballon à droite. Oh, ça tape l'arrêt, heureusement. Toujours on se dit, alors les Bleus qui sont pas du tout sereins dans cette rencontre. Un but d'avance seulement. Et à l'instant, on était quasiment. Ouais, ça tapait vraiment l'équerre. Et on était presque à une égalité. Mais en tout cas, les Bleus qui sont pas vraiment dans le match encore, et on espère que ça va vite tourner. On suit aussi, je le rappelle, le Cameroun face au comment c'est la mi-temps. Le Cameroun mène 1-0, but de Toko Ekambi la demi-heure de jeu, alors que les Comores ont été réduits très tôt dans le match, dès la 7e minute, avec un carton rouge direct. Et pour l'instant, c'est donc le Cameroun qui en profite avec, donc je vous le disais, ce but de Karl Toko Ekambi, 1-0 donc pour le moment, après les 45 premières minutes de jeu. Et dans les autres rencontres aussi de foot ce soir, Caen Ajaccio 0-0, c'est de la Ligue 2, et National Annecy Concarneau 0-0 également. Et puis un peu plus tôt tout à l'heure aussi, la Gambie s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Guinée 1-0. On démarre tout de suite avec chaque semaine le ski et la biathlon, dernière étape avant les Jeux Olympiques. C'était donc à Antols, en Terre Selva, que ça se passait, en Italie donc, avec au programme un individuel casse. C'était seulement le second de la saison, il n'y en aura que deux d'ailleurs, plus le troisième aux Jeux Olympiques, mais dans la saison de communion, ce sera les deux seuls qui se dérouleront. On avait ensuite un relais et une last start. L'individuel qui se démarrait a été remporté par Anton Babikov, le russe, auteur d'un sans faute. On rappelle le format, 20 km avec 4 tirs. Tarjebø, le norvégien, deuxième, qui d'ailleurs en profite pour récupérer le petit globe de la spécialité, auteur d'un 18/20, qui termine à 10 secondes seulement, Babikov. Ensuite, on a un autre russe, Saïd Khalili, qu'on voit peu, en tout cas, dans les podiums, et là qui termine troisième à la faveur d'un 19/20. Younes Beu, quatrième, trois erreurs. Laigren, un autre Norvégien, cinquième. Premier français, Simon Détieux, sixième avec trois erreurs. Fabien Claude, huitième. Jacquelin, dixième. En revanche, craquage pour Quentin Firmier, seulement 20e, auteur d'un 15/20. Celui des femmes est lui remporté par Justine Brezaz, qui était auteur d'un 19 sur 20. Et puis c'est Julia Simon, la deuxième française, qui prend la deuxième place, auteur d'un 18 sur 20. C'est Brorson, la suédoise, qui complète ce podium. Avaient ensuite lieu les relais avec le relais homme remporté assez logiquement hier par la Norvège, composé d'un quatuor classique, hein, Lagred, les frères Bø et Christensen en fermeture, seulement 4 pioches qui a permis à la Norvège de s'imposer. La Russie avec aussi là aussi un beau relais, hein, Babikov, Loginov et Latipov. Serekotov qui lui est l'un des moins habitués du circuit. Malgré une pénalité, 12 pioches, la Russie qui termine deuxième. On trouve l'Allemagne ensuite troisième avec 4 pioches et la France quatrième, malheureusement au pied du podium, avec 7 pioches. Fabien Claude, Anthony Gogonat, Simon Etieux et Éric Perrault, le jeune français qui avait la lourde responsabilité de terminer le relais, qui était deuxième à l'issue du premier tir, qui était encore aussi en course pour le podium à l'issue de son deuxième tir. Et malheureusement, il a craqué un petit peu physiquement et la France termine quatrième de ce relais. Chez les femmes, en revanche, là, il y aura un podium. Troisième place pour la France. À la photo finish, puisque la France et l'Italie sont arrivées dans le même temps, 30 à 32 secondes 6 de la Norvège, les Norvégiennes qui ont réalisé pas le plein, parce qu'il y a eu 10 pénalités, 10 pioches et une pénalité, mais ça suffit pour s'imposer. La Russie avec 3 pénalités, 12 pioches, bah qui termine quand même deuxième, hein, c'est une belle performance. Et la France donc 13 pioches. Même nombre de pioches d'ailleurs que l'Italie, s'impose à la photo finish. Donc un podium pour les Françaises, ça fait toujours plaisir. Et enfin les mass start qui avaient lieu également ce week-end. Chez les femmes, victoire pour Dorota Virer, l'italienne, auteur d'un 18 sur 20. Aline Bekava, la Biélorusse, deuxième. Anish Chevalier, troisième, auteur d'un 19 sur 20. Et Justine Brezaz un petit peu plus loin, cinquième, malgré 4 erreurs, qui a réalisé une très belle course. Julia Simon, dixième, voilà, pour les premières françaises. Et chez les hommes, malheureusement, pas de français cette fois. C'est Bénédicte Doll, l'allemand, qui s'impose avec un 19 sur 20. Johannes Bø, qui revient aux avant-postes, qui est deuxième avec un 17 sur 20. Lagred, troisième, et là aussi un 17 sur 20. Premier français, c'est Antonin Guigonat, quatrième avec 2 erreurs. Quentin Fémillet, qui sauve les meubles malgré 6 erreurs, qui termine quand même 8e. C'est le moindre mal pour lui, qui va perdre un petit peu de points en général, mais qui restera devant. En général, 636 points pour lui. Jacquelin qui revient, puisqu'il n'est plus qu'à 501 points. Alors, il y a quand même, me direz-vous, 136 points de retard, mais voilà, c'est un petit peu mieux. Et puis Tarier Bø qui est un petit peu plus loin, 486 points français, qui reste quand même bien installé. Il a quand même sauvé les meubles ce week-end et il reste installé confortablement en tête de ce classement général. Chez les femmes, le classement toujours dominé par Marte Alsbø-Røiseland, la norvégienne, deuxième place pour Aline Bekava, qui possède un petit peu plus de 60 points de retard, et puis Elvira Hubert, troisième, qui est juste un petit peu derrière. Un point sur le direct qui nous intéressait, le hand, le troisième match du tour principal pour l'équipe de France dans cet Euro, qui mène 12 à 11 face au Monténégro. L'écart est vraiment très faible depuis tout à l'heure, hein, un ou deux buts d'écart seulement. Le Monténégro qui était même revenu à hauteur il y a quelques secondes, et finalement les Bleus qui sont repassés devant et qui ont la possibilité maintenant de prendre d'avoir un ballon de plus 2, puisque il y a eu une frappe à côté, et ça permet aux Bleus d'avoir une possession pour mener plus 2 alors qu'on était 5 minutes de la pause. Mais les Bleus sont vraiment pas serein ce soir, c'est le cas de dire. C'était déjà le cas face à l'Islande, alors on y reviendra, ça a été bien plus dur, mais là il faut vraiment gagner, sinon ce sera quasiment terminé. Alors avec la défaite tout à l'heure de l'Islande, ça a rebattu les cartes, ça c'est sûr, mais il faudrait quand même gagner, ça c'est sûr, pour se replacer tranquillement. 13 à 11 désormais avec ce but de Mervyn Richardson, 13-11 plus 2 à 4 minutes de la pause. Voilà pour le biathlon. Un point sur le ski alpin, où là aussi les jeux vont arriver assez vite. Les dernières étapes avant donc ces jeux, c'était à Kitzbühel avec deux descentes et un slalom. La descente, première descente remportée par Alexander Kild. Chez les Français, eh bien, le podium pour Johan Claret, deuxième, et Blaise Kinsdanner, troisième. Donc deux Français sur le podium. Et ensuite, on retrouve dans l'autre descente le Suisse Bitfuys qui s'impose. Marco Dermas, son compatriote, deuxième. Daniel Hertmerger, l'Autrichien, troisième. Johan Claret, encore bien classé, cinquième de cette seconde descente. Et le slalom remporté cette fois par Dave Riding, le Britannique. Lucas Bratton, le Norvégien, deuxième. Henrik Kristoffersen, troisième. Français sont assez loin de ce slalom. Demain, un dernier slalom aura lieu avant les Jeux. Il aura lieu à Slanming, en Autriche. Et ensuite, direction les Jeux Olympiques, où le début de ces Jeux démarrera le 6 février avec la descente. Le 8 aura lieu le Super G. Deux jours plus tard, encore le 10, le combiné. Le 13, le géant, et le 16, le slalom. Voilà pour donc les 5 épreuves classiques du ski alpin qui se dérouleront du 6 au 16. En 10 jours, on aura les 5 courses de ces Jeux Olympiques. En ce qui concerne le biathlon, on rappelle donc ça va être à peu près les mêmes périodes finalement hein, pour ce évidemment pour ces épreuves voilà, à quelques jours près hein, ça se déroulera plus ou moins dans les mêmes dans les mêmes dates hein, on rappellera le programme. Alors c'est pas encore tout de suite, il y aura encore une semaine de battement entre les deux hein, pour se préparer hein, avant ces jeux et pour tout le monde hein, certains vont rentrer en France, d'autres resteront dans les autres pays pour se préparer, mais en tout cas ça va permettre donc à tout le monde de se préparer. Donc ça démarre le 5 avec un donc le lendemain du ski alpin, le 5, c'est-à-dire déjà dans la semaine prochaine. Si ça démarrera samedi prochain les jeux hein, déjà le relais mixte qui démarrera, qui ouvrira le bal hein. Donc ce fameux relais mixte, il y aura le relais mixte et le relais mixte simple, on rappelle à deux, hein, donc qui se déroulera là aussi sur cette première journée de compétition. Ensuite aura lieu les individuels, hein, femmes et hommes dans l'ordre. Ensuite ce sera le tour des sprints, même chose, femmes puis hommes. Les poursuites s'enchaîneront dans la foulée avant d'attaquer les relais. Et enfin, les Mastarts pour finir jusqu'au 19 février. Voilà donc le beau programme qui nous attend sur ces étapes de biathlon pour ces Jeux Olympiques donc de Pékin. On va refermer cette page puisqu'il est déjà 21h passé et ça va très vite. On rappelle l'actu de France, ça va un petit peu mieux pour les Bleus qui se mènent désormais 14 à 11 plus 3. Il reste 2 minutes à jouer. Les Monténégrins qui ont décidé de... Alors ça y est, plus maintenant, mais qui avaient décidé de jouer sans gardien et de jouer à un de plus sur le champ. Mais finalement, on a changé de tactique puisqu'évidemment, ça ne fonctionne pas. 14-11 pour les Bleus, plus 3 donc. On va suivre la fin de cette première période. Il reste 1:30 et ensuite on pourra poursuivre. Ah, les Monténégro qui n'a plus marqué depuis presque 8 minutes. Et là encore, c'est un échec puisqu'il y a un arrêt. À nouveau, nouvel arrêt. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Un arrêt, un tir vraiment à ras de terre. Et il s'est bien couché notre gardien français pour capter ce ballon et permettre à la France désormais d'avoir un ballon de plus 4. Ce serait assez sympa avant la pause, évidemment, pour attaquer la deuxième période un petit peu plus serein. Ah, c'est rentré, mais il avait sifflé avant, les arbitres qui avaient sifflé juste avant. Et donc on va donc c'est Wesley Pradin, pardon, qui vient de faire ce nouvel arrêt. Et voilà, on avait les Bleus qui avaient marqué, mais finalement ça a été sifflé juste avant, donc on repart sur une possession avec 50 minutes à jouer, un peu moins 45, nouvelle faute, on va repartir sur un 9 mètres. avec Karabatic, on va à droite sur l'aile avec Romain Lagarde, ça rentre. C'est capitaine français qui vient Valentin Porte, pardonnez-moi, qui vient marquer ce nouveau but, le 15e pour l'équipe de France. Ça fait 15-11 plus 4-30 secondes à jouer. Ce serait bien de stopper cette possession du Monténégro pour conserver cette avance. Il reste 20 secondes. Oula, alors que là on a ça va certainement ouais. Et ouais, 2 minutes, c'est assez logique. C'est dommage, à 15 secondes du terme. Et c'est Ludovic Fabregas qui fait son retour, on rappelle, qui était grippé ce week-end, qui avait manqué le match face à l'Islande. Et c'est lui, alors il y a un gros fair play puisqu'il le Français qui a relevé son adversaire et qui va s'excuser. Mais ça n'empêchera pas ce 2 minutes. Évidemment, c'est dommage puisque les Français qui démarreront à 1 de moins, puis pénalty, hein, ensuite 7 matchs en plus, la double peine. Ça pourrait permettre Monténégro de revenir à 3 longueurs, mais il resterait encore un peu de temps pour. Il a presque touché ce ballon, finalement. Il va rester 10 secondes pour peut-être repasser à plus 4. On va tirer direct pour. Karabatic qui prend ses responsabilités là, et qui a été un peu en force, et ce ballon qui rentre. Ah, c'est important, c'était important de marquer aussi avant la pause. Et ça fait donc 16 à 12 pour les Bleus avec ce dernier ballon. C'était important pour lui, pour Karatic, ouais, qui s'est pas posé de questions là, il est rentré dedans, il a tiré à mi-hauteur ce ballon assez fort, et c'est passé sous les jambes du gardien, et ça fait du bien. Ce but qui permet aux Bleus donc de garder 4 longueurs d'avance avant d'attaquer le deuxième acte qui démarra en plus avec un joueur en moins, donc c'était important de prendre cet avantage. On revient dans 10 minutes pour la suite de cette deuxième période. Pas de but dans les autres matchs de foot, avec Cameroun Comores 0, ça vient de reprendre 0-0 pour Caen Ajaccio et pour Annecy Concarneau. Pas de but donc dans ces deux affiches. On poursuit avec le début de la saison de rallye. C'était le début de la saison de l'UVRC avec donc Sébastien Loeb qui faisait son retour. Alors pour une course, peut-être plus hein, dans la saison, tout comme Sébastien Ogier qui, on rappelle, a décidé cette année de ne pas disputer l'intégralité de la saison qui fera quelques piges hein, ici et là, donc qui ne jouera pas le général. Sébastien Loeb et Ogier qui se retrouvaient après plusieurs mois et même presque années d'absence, a tourné à une vraie bataille, puisque c'est Sébastien Ogier qui était encore leader samedi soir avant les dernières spéciales d'hier, et puis finalement ça s'est inversé dans cette dernière journée, alors qu'il y avait peu d'espoir pour Loeb pour revenir, et finalement ça suffit puisque Ogier a été victime d'une crevaison donc lors de la dernière spéciale et l'avant-dernière pardon spéciale avant la Power Stage, et finalement Loeb qui avait repassé devant et qui s'est imposé donc pour 10 secondes un peu plus de 10 secondes, donc c'est Sébastien Loeb qui s'impose et qui remporte une 8e victoire ici à Monte Carlo, qui d'ailleurs va égaler Sébastien Ogier puisque il était déjà à 8 le Sébastien Ogier, et surtout c'est sa 80e victoire en carrière dans un rallye. Donc encore un record, un record supplémentaire. Alors, c'était déjà lui qui était le record, mais qui va encore un peu plus la croître et atteindre d'ailleurs la barre mythique des 80 victoires, et puis qui au passage aussi va battre un nouveau record, celui du pilote le plus vieux qui s'impose dans un rallye, dans une épreuve de rallye, donc encore un succès de plus, le plus âgé donc d'une manche mondiale, voilà, encore un record qui lui échappait, un des seuls d'ailleurs qui lui échappait, et ça fait une belle victoire pour lui, et on espère le revoir dans d'autres épreuves. Alors, en tout cas Sébastien Ogier qui a bien envie de prendre sa revanche, donc peut-être qu'on aura l'occasion de revoir ces deux-là pour la suite. C'est donc le rallye de Monte Carlo, hein, et donc pour l'instant c'est Sébastien Loeb qui domine le classement général. Bon, pour peu de temps, parce que ça risque de bouger déjà sur la prochaine épreuve. Mais symboliquement, bah, c'est lui qui, pour l'instant, domine ce classement avant le rallye de Suède qui aura lieu dans un mois pile. Hein. Ça démarrera le 24 février. Sébastien, lui aussi, qui poursuivra son périple, qui disputera la finale du Trophée Andros électrique, du e-Trophée Andros, qui aura lieu à Superbès. Ce sera samedi qui arrive, samedi 29, à Superbès. Donc la finale du e-Trophée Andros, donc électrique, sur la piste du Superbès. Voilà, donc la guest star, ce sera lui, et qui pourrait, pourquoi pas, prendre encore une victoire sur la semaine, qui sera confronté à trois pilotes qui, eux, peuvent encore décrocher le titre, avec Jean-Baptiste Dubourg qui est lui en tête du classement, et puis derrière avec deux autres, Aurélien Panis, d'ailleurs le fils d'Olivier Panis, et un autre pilote qui lui peut encore jouer le titre. Donc une épreuve qui est réservée aux véhicules électriques, hein. Et lui qui Sébastien qui s'alignera avec ses propres couleurs de son écurie Sébastien Loeb Racing, et voilà, donc un mois de janvier qui reste chargé pour l'Alsacien, qui aura pas aussi à disputer le Dakar ces dernières semaines, qui a terminé deuxième, voilà, qui enchaîne avec Monte Carlo, et puis maintenant ce week-end la finale du e-Trophée Andros. Donc beaucoup de choses pour lui dans ce mois de janvier, qui n'a pas fini de son histoire avec le sport mécanique. On poursuit. Alors pour ce qui est du reste de l'actualité mécanique, ce sera pour plus tard, hein, la MotoGP et la Formule 1 qui reprendront bien plus tard, hein. La MotoGP, c'est pas avant le 28 mars. Ça nous laisse encore pas mal de temps. Et pour la Formule 1, et ben là, reprise le 20 mars, voilà, dans quasiment même temps. Donc d'ici là, et bien préparation pour tout le monde. 21h14, on poursuit avec le hand, justement. C'est le direct, hein, on est dedans. L'équipe de France qui pour l'instant mène à la pause 16-12, donc face au Monténégro, il faut gagner pour absolument se refaire dans ce groupe. Puisque pour le moment, on rappelle les Bleus qui démarraient leur tour principal avec 3 victoires en 3 matchs, qui étaient très bien installés, qui avaient battu les Pays-Bas pour lancer sa compétition dans le tour principal. Victoire large qu'on avait d'ailleurs. Alors non, c'est pas celle-ci qu'on avait suivi, c'était le match précédent. Mais en tout cas, victoire 34-24 pour les Français. Et puis qui ont chuté samedi face à l'Islande, assez largement d'ailleurs, 29-21, qui a toujours été derrière, hein, à la mi-temps, plus moins 7. Et puis en deuxième mi-temps, qui n'a jamais réussi à revenir et finalement qui s'incline assez largement 29-21. Alors que Danemark, de son côté, lui, a gagné ses deux matchs, hein, face à l'Islande d'ailleurs et face à la Croatie. Mais aujourd'hui, tout a été rebattu, puisque l'Islande a été battue. Alors ça, c'était pas attendu, mais en tout cas, c'était possible, puisque la Croatie n'avait pas encore remporté le moindre match dans cette compétition, et qui donc, dans ce tour principal, pardon, et qui du coup a battu. Et ça, c'était important, qui a battu donc l'Islande d'un but, 23-22. Et ça, évidemment, ça va faire toute la différence pour la suite de la compétition, puisque si l'Islande avait gagné ses deux derniers matchs, et que la France également avait gagné ses deux derniers matchs, eh bien, on aurait une égalité en haut avec le Danemark à 8 points, 8 points pour tout le monde. Et là, on aurait eu une différence de but qui aurait été, pour le coup, pas favorable à la France après cette large défaite face à l'Islande. Et il aurait fallu battre en plus le Danemark assez largement, de plus de 7 buts, hein, je crois. Donc voilà, ça aurait été possible, mais très compliqué quand on connaît bien le Danemark cette année, hein, qui donc a battu tout le monde, hein, tous ses adversaires, l'Islande, la Croatie et tout à l'heure les Pays-Bas, d'ailleurs 35-23, qui pour le coup se qualifie, qui est un des favoris de l'Euro, hein, les Danois, on le sait, qui a d'ailleurs battu assez largement les Pays-Bas tout à l'heure et qui se sont qualifiés pour les demi-finales Alors évidemment les Danois qui sont un petit peu épargnés par le Covid, et ça joue aussi dans cet Euro qui est très compliqué et qui se qualifie donc avant de jouer l'équipe de France. Ça pourrait peut-être faire une différence aussi. Les Danois déjà qualifiés, est-ce qu'ils vont jouer le match à fond? Alors contre les Français, ce sera toujours des matchs accrochés. Qui plus est après la revanche, après la finale des Jeux Olympiques. Alors on verra, mais en tout cas, il y a moins d'enjeux pour eux. Mais il faudra malgré tout finir premier pour espérer avoir un meilleur adversaire ou pas. Hein, puisqu'on rappelle qu'il y aura que les demi-finales, donc premier ou deuxième de l'autre groupe ne changera peut-être pas grand-chose, mais en tout cas les Danois qui sont plus que jamais favoris hein, pour la victoire, hein, avec bien sûr Mikael Hansen. Et voilà, on le verra si dimanche ils seront encore au rendez-vous. Double champion du monde en titre. On le rappelle, Danemark, finaliste et vice-champion olympique cet été, pourrait raccrocher l'euro dans sa besace, on verra. En tout cas, ils sont qualifiés déjà pour les demi-finales. La France, de son côté, donc jouera encore mercredi face à cette équipe du Danemark. Mais la bonne nouvelle, on le disait, c'est l'Islande qui s'est inclinée tout à l'heure. Donc une bonne affaire. Hein, il faudra gagner, ça c'est sûr, ce soir. Et un nul pourrait suffire aussi face au Danemark. Ça c'est aussi important, cette défaite donc de l'Islande tout à l'heure, et qui en plus c'est assez symbolique, mais qui a perdu au buzzer hein, face à la Croatie. La Croatie qui n'avait plus aucune chance de se qualifier, mais qui ont joué le jeu à fond, et bravo aux héros en tout cas de ne pas avoir lâché, et qui ont se sont imposés au buzzer. Alors même un nul aurait pu faire les affaires des Français hein, mais là il aurait fallu gagner les deux matchs. Mais avec cette défaite, ça permet aux Bleus d'avoir un joker supplémentaire, à condition de ne pas perdre face au Danemark, mais d'accrocher au moins un nul. Sauf si d'ici là l'Islande perd aussi son dernier match face au Monténégro, ce qui est aussi possible. Ce sera avant, en plus, puisque les Français joueront en dernier, hein, qui jouent en dernier ce soir et qui joueront en dernier mercredi. Alors c'est vrai pour des questions d'équité, il aurait fallu jouer en même temps, mais là c'est pas le cas. À l'Euro, en tout cas, il n'y a pas les salles disponibles, et c'est l'Islande qui jouera les premiers à 15h30 face au Monténégro. Et si l'Islande ne s'impose pas, ça va encore rebattre les cartes pour les Français qui joueront à 20h30 mercredi face au Danemark. On n'en est pas là, mais en tout cas, en cas de match nul, déjà ça c'est certain. À date, ça suffira pour se qualifier pour les Bleus, qui donc ont vu les cartes se rebattre tout à l'heure. Il aurait fallu presque un miracle pour se qualifier, mais là ça change également tout pour mercredi. Donc déjà il faut gagner ce soir, ça c'est encore pas fait puisqu'il y a plus 4, mais on l'a vu, les Monténégrins sont quand même accrocheurs, et ils pourraient l'être aussi face à l'Islande mercredi, hein, ça c'est sûr. Mais il faudra déjà gagner ce soir, et pour l'instant ça se passe assez bien. Voilà pour le point du groupe 1. Et l'autre groupe où c'est très serré, la Norvège, l'Espagne et la Suède sont à 6 points. Pour le reste du groupe, Russie, Allemagne, Pologne, c'est fini. Mais il y en aura un entre la Norvège, l'Espagne et la Suède qui passera à la trappe. La surprise tout à l'heure, le gros match, c'est tout à l'heure avec la Norvège qui a dominé l'Espagne, qui d'ailleurs est, on rappelle, tenant du titre hein, de l'Euro, qui s'est imposé 27 à 23. Et donc dans ce groupe, trois équipes sont d'égalité et tout se jouera donc lors de la dernière journée donc pour ces trois équipes, avec une rencontre qui sera décisive, parce qu'il y aura Suède-Norvège. Donc l'un des deux a priori passerait à la trappe, sauf match nul, mais à condition que l'Espagne s'incline. L'Espagne qui jouera face à la Pologne, dernière du groupe, qui a fait seulement un match nul. Donc on voit mal l'Espagne ne pas gagner ce match si important, qui jouera en premier d'ailleurs à 15h30. Et en cas de succès de l'Espagne, et bien le Suède-Allemagne sera une finale pour l'autre place du groupe. Donc mercredi, demain soir, ce dernier groupe, Pologne-Espagne et Suède-Norvège pour la finale de ce groupe. Bon, en tout cas, il y aura du lourd en demi-finale, ça c'est certain, hein. Que ce soit la Norvège, l'Espagne ou la Suède, des adversaires que les Bleus connaissent très bien, il y aura forcément du très lourd en demi-finale, ça c'est indiscutable. Hein. Alors, premier, deuxième, il n'y aura pas de, a priori pas d'importance puisque l'adversaire en face, ce sera du lourd. Donc ça, ce sera pour les demi-finales. Si ça passe pour les Bleus, eh bien les demi-finales qui auront lieu jeudi et vendredi. Donc ça va s'enchaîner. Hein. Et puis samedi, dimanche, petite finale et finale. Voilà pour le point. Dans cet euro, on suit bien sûr la deuxième période qui va reprendre dans quelques instants pour l'équipe de France. Et puis un mot également des filles de Fleury qui reprenaient cette deuxième journée à domicile. C'était au Palais des Sports, malheureusement défaite 31-29. Qui laisse Fleury toujours dernier de ce groupe avec une seule victoire. À 2 points de retard sur le son premier poursuivant, celle sur Belle, et à 3 points de retard sur Toulon, qui est le premier non relégable. C'est pas encore fini, mais ça se resserre encore un peu plus dans cette saison si compliquée pour les Panthères, qui poursuivra la saison mercredi avec un déplacement à Nice, équipe qui a cassé 10e. Donc pas un concurrent direct parce qu'ils ont bien plus de points que Fleury, mais un adversaire à battre pour se ressortir un petit peu de cette zone compliquée. Et pour la, il y a quand même une consolation pour les Panthères qui sont qualifiés en un peu pour le quart de finale de la Coupe de France et qui connaît son adversaire, je crois. Je vais vous redire ça pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Et donc mercredi, déjà match décisif. Alors tous les matchs sont décisifs maintenant, mais plus que jamais là face à cette équipe de Nice. Donc mercredi 20h30, ce sera, alors notez bien, pas au Palais des Sports, mais à Fleury, donc cette rencontre. Voilà, donc c'est ça, Fleury pour cette rencontre mercredi. À Nice, ce sera pas à domicile. Tant pour moi, ce sera bien à l'extérieur cette rencontre, donc à Nice. Et les matchs suivants, des déplacements à nouveau à Dijon le 3 février, donc le jeudi suivant, donc deux déplacements pas simples. Il y aura ensuite une réception à la salle de Bourg de Péage, et pour le quart de finale, ce sera de la Coupe de France le 16 mars, donc on a largement le temps. Ce sera à l'extérieur au Paris 92, donc pour ce quart de finale qui pourrait donner un petit peu de pomme au cœur aux Panthères dans cette saison compliquée. Paris 92, qui est troisième du classement. Donc ce sera un gros match, ça c'est sûr. Mais ça peut permettre de prendre un peu espoir. Donc cette Coupe de France, quart de finale, le 16 mars. D'ici là, plein de matchs. Hein, il y en aura 2, 4, 6. Voilà, 6 matchs très décisifs déjà. Dans cette saison. Voilà pour la suite de la saison pour les Panthères. On continue donc avec la suite. Donc pour le hand, si juste une dernière chose, un dernier mot pour le hand avec la saison de Ligue des Champions qui se poursuit pour nos deux clubs français, avec Brest qui est quatrième de son groupe après une victoire importante à l'extérieur. Il reste encore 5 journées. Et pour Metz, dans l'autre groupe, qui est toujours bien classé, deuxième avec donc la dernière rencontre qui s'est soldée par un match reporté qui devait avoir lieu hier, match reporté malheureusement, et qui devrait normalement se déplacer maintenant, pas avant le 5 février, hein, pour la suite de cette journée. Il restera encore un match jusqu'au 20 février. Voilà pour cette Ligue des Champions. Ça devrait le faire pour Metz. Pour Brest, il va falloir batailler pour se qualifier pour la suite de cette Ligue des Champions. Voilà pour le hand. On va marquer une pause et on va revenir après. On aura le basket au programme. On aura, alors que les Bleus viennent, ouh là là, ce poulet de canon encore qui vient de partir là, de Nikola Karabatic. Ça fait 18-13 hein, dans ce début de match. Ça fait 2 minutes que ça a repris. Les Bleus qui encore une grosse frappe là de Nikola Karabatic. Les Bleus qui ont marqué 2 fois et qui ont cassé qu'un but alors qu'ils sont en infériorité numérique. C'est plutôt bien géré pour l'instant, cette infériorité numérique, plus que 10 secondes d'ailleurs. Non, pardon, c'est le Monténégro qui est à 10 maintenant. Non, les Bleus sont revenus à qui sont à 1. C'est les Bleus sont revenus déjà depuis un petit moment au complet, mais c'est les Monténégro qui étaient c'est fini d'ailleurs, qui étaient 1. Donc voilà pourquoi ce score a évolué en faveur des Bleus. En tout cas, ça a été bien géré quand même leurs deux premières minutes d'infériorité numérique. Mais à l'instant, 18-14, toujours plus 4 possessions pour la France. Oula, cet arrêt. Ouais, on a tiré peut-être un peu trop vite. Côté français, là, sur cette occasion, on n'a pas fait tourner le ballon. Et finalement, une frappe assez rapide. Mais trop bien centrée pour le gardien qui s'est imposé assez facilement. Toujours plus 4. Voilà, je vous le dis, ça va être un match accroché jusqu'au bout. Hein. Pour l'instant, le score il n'est pas assez révélateur. En plus 4, cet écart tout le long de la première mi-temps, et c'est seulement en fin de première mi-temps que ça s'est décanté. Mais voilà, les Bleus ne sont pas vraiment tout à fait sereins pour l'instant. On va suivre bien sûr la suite de cette rencontre, tout comme le match de la CAN, les huitièmes de finale, suite des huitièmes de finale, Cameroun-Comores, toujours 0-0, 66e minute de jeu. Pour l'instant, ça tient. Pour le Cameroun, plus de Toko Ekambi à la demi-heure de jeu. Cameroun qui pourrait, en cas de succès, retrouver la Gambie qui, tout à l'heure, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Guinée 1-0. On rappelle aussi que le Burkina Faso s'est qualifié, on en parlera tout à l'heure, mais pour les quarts en battant le Gabon au tir au but, et que la Tunisie s'est qualifiée en battant le Nigeria. Et on parlera aussi, bien sûr, des autres huitièmes, avec notamment un Côte d'Ivoire-Égypte qui promet, ça ce sera mercredi, voilà, mercredi après-midi. Donc c'est un match, beau rendez-vous en tout cas pour ces quarts de finale qui se profilent. Et puis les autres matchs, avec Caen, Ajaccio, c'est en Ligue 2, 0-0, 44e minute de jeu, et même temps, même score pour Annecy-Concarneau en National, 19e journée, voilà, tout à fait. Et puis avant la pause, 19-14, sur plus 5 pour les Bleus à 25 minutes de la fin de cette rencontre. Une pause et on revient après pour la suite donc de l'émission, avec, je le disais, du basket et avec également donc du rugby, du tennis et puis le foot bien sûr. D'ici cette prochaine demi-heure, voilà le programme qui nous attend. Et pour la pause, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose un Michael Jackson, pourquoi pas. On nous propose Kavinsky. Tiens, bah, Kavinsky, allez, pourquoi pas. Ça fait longtemps. Avec Road Game, avec Night Call. Allez, Road Game, c'est parti pour Kavinsky. Et on se retrouve après pour la suite. Il est 21h presque 30 et les Bleus mènent 19-15 toujours dans cette rencontre. Peut-être 20-15, toujours plus 5. Faut que ça tienne pour les Bleus. Nicolas Tourna qui vient de marquer ce 20e but pour l'équipe de France. Allez, c'est parti. On se retrouve après Kavinsky donc et Road Game. Et on se retrouve après pour la deuxième partie. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. avec à l'instant Kavinsky et Rod Game. Vous avez bien sûr connu pour ceux qui y vont régulièrement à l'Open Australie, l'entrée des joueurs, la musique d'entrée des joueurs. L'Euro, ça se bouscule, ça s'enchaîne les buts. 24 à 17 pour l'équipe de France, plus 7, ça s'est enchaîné hein, depuis quelques minutes, hein, les Bleus qui font le trou là. Cette rencontre, il y avait plus 5 le plus gros écart, maintenant c'est plus 7 et voilà, on a l'intention ferme de vraiment rester devant et de plus lâcher. Malheureusement ça c'est une perte de ballon assez c'est une perte de ballon là du côté bleu, c'est dommage, et une contre-attaque aussi derrière assez rapide, plus 6 toujours. Hein. Bon, c'est moindre mal parce qu'il y a une belle avance, mais attention quand même. On l'a vu, hein, les éclairs peuvent vite s'inverser, donc toujours plus 6, 20 minutes encore à jouer. Voilà, c'est. Ah, encore un ballon, heureusement ça a été touché. On poursuit avec donc 2-0 pour le Cameroun, tiens un instant, but d'Abou Bakar, et ça fait 2-0 pour le Cameroun après 72 minutes de jeu. C'est bien parti pour le Cameroun pour se qualifier. Hein. Pour la suite, c'est la mi-temps, dans les autres matchs, pas de but toujours, hein, en Ligue 2 ou en National. Le basket, donc le championnat de France avec l'OLB battu à domicile, c'était assez prévisible face à Monaco. Dans les cadors du championnat, 74-61 c'est le score. L'OLB avec cette défaite, toujours un match de moins, est 13e pour le moment. Un match qui devra être rejoué d'ailleurs. Match face à Gravelines, ce sera le 2 février. Voilà, match qui a été programmé. Donc, mercredi, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pour rattraper son match de retard. Oui, c'est ça, qui a qu'un match de retard. Finalement, ça c'est assez. Alors pour Orléans, mais pour d'autres clubs, il y a quand même encore des fois un ou deux matchs de retard. Et tout ça qui devrait se rattraper assez rapidement, on l'espère. 18e journée, c'est la journée qui nous attend. Ce week-end, Orléans sera en déplacement au Mans, pas très loin d'ici. Ce sera donc samedi soir à 20h. Le Mans 5e, hein, donc pas facile, mais il faudra faire le boulot pour essayer d'aller chercher des points. Plus 8 désormais pour les Bleus, hein, ça s'enchaîne. Ah oui, il y a eu un poteau et derrière on a eu un arrêt de Pardin. C'est Pardin, le gardien d'équipe de France. Alors que derrière on a eu un nouveau but. Donc voilà, plus 8 le score qui s'aggrave pour les Bleus. Tant mieux. Et ça pourrait permettre, si ça se confirme, de jouer une finale face au Danemark. Peut-être, on verra. On en reparlera après cette rencontre. Voilà pour l'OLB, donc pour l'instant 13e. On va déplacement au Mans. Donc ce week-end. On aura aussi prochainement, dans quelques semaines, le début de la Leaders Cup, hein, qui se déroule habituellement courant février, cette compétition. Donc entre les 8 premiers du classement à la trêve, bon, ça ne concernera pas Orléans malheureusement, mais qui devrait faire son retour aussi cette compétition. Un point sur les coupes aussi d'Europe, où l'ASVEL et Monaco ont joué la semaine passée avec des victoires pour les deux clubs. L'ASVEL qui s'est imposé face à Belgrade, Monaco qui s'est imposé avec ça à Saint-Pétersbourg. Donc deux victoires importantissimes pour nos deux clubs français qui se replacent au classement avec Monaco 9e, l'ASVEL 12e, et qui garde espoir pour se qualifier pour la suite de la compétition et les 8e de finale. Et ça passera par d'autres matchs encore de victoire. Monaco recevra ce week-end le Real Madrid, qui domine le classement, hein, avec 16 victoires et 3 défaites seulement. C'est l'un des cadors de ce championnat, de cette Euroleague. L'ASVEL ira en déplacement au Barça. C'est pas beaucoup mieux, hein. Deuxième, le Barça, 16 victoires et 5 défaites. Voilà, c'est les deux cadors, donc déplacement compliqué pour. Pour nos clubs français, mais il y a encore d'autres matchs de toute façon après, hein, il reste encore une grosse dizaine de journées avant la fin de cette phase de poule. Chez les femmes, avec un format un peu différent et des fortunes diverses aussi. Il reste 3 matchs encore pour nos clubs français dans cette Euroleague féminin. Pour le basket land, ça va être compliqué, hein, 7e place sur 8 équipes. Voilà, ça semble assez compliqué pour se qualifier. Pour Montpellier, en revanche, c'est jouable, 4e à la moitié du classement. Il faudra faire le boulot sur les 3 dernières journées, voilà, pour essayer de se qualifier pour la suite. Donc de cette Euroleague. Et puis toujours chez les garçons, l'Eurocoupe où on atteint bientôt la fin de la phase de poule là aussi pour nos différents clubs. Donc Boulogne notamment, 6e sur 10, qui est tout juste à la moitié. Hein. Et pour Bourg-en-Bresse, par contre, 9e place sur 10, ça va être compliqué pour aller espérer chercher quelque chose dans cette Eurocoupe, malheureusement. Cette année. Et puis en Ligue des Champions, par contre, on atteint le deuxième tour de cette Ligue des Champions, un format assez différent aussi. On a démarré avec 8 groupes de 4, où on retrouvait Dijon notamment et également Strasbourg. Voilà, qui étaient les deux équipes engagées dans cette Ligue des Champions. Et voilà, donc c'était la première phase qui ont souri au club français. Et désormais, on les retrouve dans une deuxième phase donc de Ligue des Champions, où donc Dijon se retrouve donc dans un groupe composé de Galatasaray notamment, et puis deux autres clubs, voilà, donc premier match cette semaine à l'extérieur, voilà, et puis pour en ce qui concerne Strasbourg, là aussi 3 équipes, Tenerife notamment, Vilnius, et là le 6 des matchs, donc il y aura 6 matchs, hein, bah, les matchs en aller-retour, et puis bah, il faut, pour se qualifier, bah, il faut passer tout simplement par la 2 première place pour se qualifier pour les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions. Donc voilà, une deuxième phase un petit peu particulière, et voilà, en tout cas on avait déjà eu affaire à des barrages, hein, pour nos clubs français qui s'étaient qualifiés, hein, Dijon et Strasbourg, hein, qui s'étaient qualifiés assez largement pour la suite. Voilà pourquoi on les retrouve dans ce deuxième tour. Plus 10 désormais pour les Bleus. Ah, ça, c'est comme je le disais, ça s'accélère, hein, pour les Français. Montenegro qui ne tient plus à distance, même si là à l'instant on aura 2 minutes côté bleu et un penalty, un jeu de 16 mètres à suivre pour le Monténégro. Et en plus c'est arrêté, mais derrière en deux temps ça rentre quand même, hein, ce penalty qui a été arrêté, mais finalement le ballon qui est reparti dans les mains, même dans les pieds du joueur du Monténégro, et qui a pu tranquillement ajuster cette fois Wesley Pardin, mais ça fait 29-20, voilà, c'est pas fini mais bien avancé. Il reste 15 minutes, un peu moins dans cette rencontre. Et un petit mot rapide de la NBA, où pour l'instant c'est toujours Miami qui domine le classement dans la conférence Est, avec les Nets de Brooklyn et Chicago pour l'instant sur le podium. À l'Ouest, toujours Phoenix, les Golden State Warriors et Memphis qui dominent aussi ce classement à l'Ouest. 4 matchs seulement auront lieu cette nuit. Les Cavaliers de Cleveland face à New York, l'Indiana en déplacement à la Nouvelle-Orléans, Oklahoma City recevra les Chicago Bulls, et enfin Utah Jazz se déplacera à Phoenix. Donc ça, ce sera cette nuit 1h, 2h et 3h du matin. Et des matchs que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Beansport pour Cleveland New York Beansport 4 et Phoenix Utah Jazz Beansport 1. Les rendez-vous de la nuit pour les fans de NBA. Voilà pour le point du basket. On refait un tout petit détour par les directs. Bon, le hand, ça se passe bien. 30-20, toujours plus 10 pour les bleus. Et en football, Cameroun-Comores, 10 minutes à jouer, 2-0 pour le Cameroun qui tient sa qualification pour le moment. Et puis la mi-temps dans la Ligue 2 et dans le National, pour l'instant il n'y a pas eu de but. On change d'univers avec donc le rugby. Le rugby, on atteint, ça y est, la fin de la première, donc du premier tour, hein, donc de ces de cette phase de groupe. On connaît les qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc se sont qualifiés côté club français. Hein, alors pour les huitièmes de finale. Et on parlera aussi de la suite puisque les autres sont reversés, on le rappelle, dans l'autre compétition. Voilà, c'est la particularité cette année de ce classement. Le Racing s'est qualifié en finissant premier d'ailleurs, tout comme Ulster, La Rochelle, Leinster, Sale et Exeter. Montpellier qui n'était pas loin de se qualifier mais qui va devoir traverser, tout comme Clermont, dans l'autre compétition. Et puis l'autre poule qui a vu Leicester, Harlequins, Munster, Bristol, Connacht et seulement Bordeaux qui s'est qualifié. En revanche, pour Toulouse, le Stade français et Cass, ça se passera par l'autre compétition. Les huitièmes de finale. Huitièmes de finale, donc, avec malheureusement, deux rencontres 100% françaises. Le tirage qui n'a pas été excellent. Qui pourrait en plus éviter des rencontres 100% françaises dès les huitièmes. Bon, c'est le cas en. C'est le cas notamment en foot, hein, en Ligue des Champions, mais pas dans cette Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'on aura déjà deux éliminés dès ces week-ends au Stade français Racing et Bordeaux-Bègles-La Rochelle. Ce sera le 8 avril prochain. Toulouse recevra Ulster. Et enfin, Montpellier. Et puis il y a encore donc Montpellier qui affrontera les Harlequins et Clermont qui affrontera Leicester. Ça ce sera un match aller-retour. Voilà, c'est aussi la particularité cette année puisqu'on jouera ces matchs en aller-retour, donc les huitièmes de finale 8 et 15 avril pour les matchs aller-retour. Donc on retrouvera 4, 5, 6, 7 clubs français tout de même dans cette première phase. Donc tant mieux, hein, en tout cas. Les 8 premiers qui se sont qualifiés dans cette compétition, il y aura uniquement Castres qui sera reversé donc dans l'autre compétition. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a déjà deux rencontres avec 4 clubs français, donc on va en perdre 2 déjà, c'est certain, en quart de finale. Voilà, mais bon, encore Toulouse, Montpellier, Clermont pour en avoir 5 quand même dans la suite, donc dans les quarts de finale. Donc la grande nouveauté, c'est ça, c'est les huitièmes de finale et surtout les matchs aller-retour. Et puis l'autre, donc la Challenge Cup, qui voit revenir donc désormais. Alors que c'est pas terminé encore, hein, puisqu'il y a encore des matchs reportés, hein, on rappelle, dans cette compétition. Donc ça va redécaler un petit peu toute la phase finale. En revanche, Toulon, même s'il reste un match à Biarritz, se qualifiera. Ça c'est sûr qu'il terminera premier en plus. Biarritz qui de son côté pourra encore se qualifier. Il faudra battre Toulon puisque ce sera la dernière affiche d'ailleurs. Match qui avait été reporté. Lyon se qualifiera aussi en tant que premier. Perpignan ne passera pas cette case-là, a priori. Et puis enfin, dans la dernière poule, Brive et Pau qui devraient peut-être s'y passer à la trappe, mais c'est pas encore sûr. Mais il restera donc ces deux matchs, mais au 8 avril, voilà, ce sera comme les matchs reportés. Il faudra attendre maintenant pour connaître l'ordre des phases finales et on trouvera d'ailleurs du coup Castres qui va rejoindre cette compétition. Voilà pour le point rugby, mais sinon retour du top 14. Ce week-end, retour avant les Six Nations qui approchent, pardon, samedi et dimanche. Au programme d'ailleurs samedi soir, Toulouse face au Racing, ce sera l'affiche de samedi soir. Et puis Stade français Toulon, ce sera elle l'affiche de dimanche soir, dans un duel de mal classé. En ce qui concerne le classement, Bordeaux domine toujours assez largement. Toulouse, Castres, Montpellier, Lyon et La Rochelle sont pour l'instant dans le top 6 de ce top 14. Mais l'actualité du rugby qui arrive, c'est le tournoi destination, bien sûr, qui arrive très vite, très très vite, puisque le premier match aura lieu pour l'équipe de France le 6 février. Donc ce sera pas dimanche qui arrive, mais le suivant déjà. Réception de l'Italie. Donc ça va arriver assez vite. Donc l'Italie au programme pour démarrer, l'Irlande ensuite encore à domicile, déplacement deux fois en Écosse et au Pays de Galles, et enfin réception de l'Angleterre le 19 mars prochain, on espère avec une finale, pourquoi pas, de ce groupe, de cette coupe, donc de tournée destination. En ce qui concerne l'équipe de France, voilà, qui va déjà qui a déjà appelé ses 42 joueurs, alors une liste de 42 pour l'instant joueurs qui va être réduite. On a un des joueurs qui a été sélectionné, le talonneur Rochelet-Pierre Bougaret, qui a été testé positif, donc forfait pour le rassemblement. Donc là, c'est le rassemblement pour se préparer au tournoi, voilà, qui va être remplacé à son tour. Voilà, mais d'autres joueurs ont été notamment donc testés positifs. C'est le cas notamment Castres Gaëtan Barlow, Antoine Dupont, Romain Tamac. Ça, c'est aussi des joueurs importants. On espère qu'ils seront de retour assez vite. Anthony Jelong, Cameroun Yuki. Enfin voilà, des joueurs qui passent dans le groupe. Et on espère qu'ils pourront revenir assez vite dans la préparation. Donc on l'espère. Julien Marchand qui sera notamment là. Je regarde rapidement Baptiste Gros qui a été aussi sélectionné assez logiquement. Romain Toefanou. On aura Grégory Aldrit. Voilà, Dylan Crétin. On trouve les classiques. Hein. Qui seront là, Baptiste Couillu, Maxime Locu, on aura également Virimia Katava aussi, bien sûr, Damien Penaud, bien sûr, Teddy Thomas, Brice Dulin, voilà, Thomas Ramos, des classiques, et puis d'autres petits jeunes aussi qui intègrent le groupe tranquillement. Dans ce 6 nations, en tout cas dans cette préparation déjà. Voilà pour le rugby. Point un score, un temps, l'Euro et l'équipe de France. Toujours plus 10, je crois, plus 9, en tout cas ça, l'écart est là. Pour le France, 33-24, ouais, plus 9, peut-être plus 10 encore à nouveau, puisque les Bleus ont la possession. Il reste 6 minutes, voilà, ça va se faire pour les Bleus qui se sont fait un peu peur en première période. Mais en retour des vestiaires qui ont tout de suite accéléré pour prendre les devants et puis pas s'affoler, et puis qui va même pouvoir faire tourner un petit peu dans cette fin de match, parce que mercredi il y aura un match important face au Danemark. Ce sera peut-être décisif. Il faudra attendre pour ça, de voir ce que l'Islande fera dans son match avant. Mais si l'Islande s'impose, eh bien il sera décisif, ce match face au Danemark, où il faudra au moins aller chercher le match nul face aux Danois, qui pour l'instant, on rappelle, eh bien sont les favoris du groupe, enfin du tournoi, et qui ont tout gagné jusqu'à maintenant, et qui peuvent, qui ne se priveront pas de sortir les Bleus de la compétition, évidemment, parce que évidemment ça pourrait permettre de ne pas les retrouver en finale, les Bleus, hein, si jamais ça peut passer pour les Bleus, bah il faudrait rencontrer les deux, pourraient se rencontrer qu'en finale. Donc évidemment, si les Danois peuvent s'éviter ça, ils vont pas s'en priver. En tout cas, ça fait toujours pour l'instant 34-24 plus 10. On va suivre la fin tranquillement. Ça a bougé pour la CAN. Le Cameroun s'est pas fait rejoindre, mais qui a encaissé un but et qui mène désormais 2-1. Il reste 4 minutes. Là, le Cameroun qui va souffrir jusqu'au bout, qui en tout cas mène toujours 2-1. Et 0-0 pour Caen Ajaccio et pour Nancy Concarneau, ça va reprendre dans quelques secondes. Avant de parler de foot, bien sûr, là, des pages principales, le tennis, c'est l'Open d'Australie, bien sûr, qui se poursuit. Avec des Français en forme, ça fait du bien de revoir les Français au niveau, avec Didier Cornet et avec Gaël Monfils qui seront en quart de finale. Gaël Monfils qui pour le moment n'a pas perdu le moindre set dans le tournoi. Victoire inaugurale face à Coria, à Bublik ensuite, Christian Garin là aussi encore en 3 manches. Et puis le dernier en date, le 8e de finale face à Kekmanovic, 7-5, 7-6, 6-3. Le Français est en forme. Il affrontera du lourd, du très lourd, donc en quart de finale. Ce sera Matteo Berrettini, ce sera demain matin. Là, il va pouvoir suivre la rencontre, puisque ce sera le match de Night Session en Australie, donc qui aura lieu à 11h en France. Donc on va pouvoir suivre cette rencontre sans se lever très tôt. Et ce sera à 11h, donc, enfin, aux alentours de 11h, peut-être un peu après, hein, en fonction des matchs d'avant. Mais en tout cas, Gaël Monfils, Matteo Berrettini, gros, gros match en prévision. Mais Etienne de son côté aussi qui sort un parcours Alors un peu différent, il y a eu déjà un gros match face à Alcaraz, la jeune espagnole, en 5 manches où il s'est sorti du piège au tie-break lors de la dernière du super tie-break même lors du 5e set et qui a eu aucun mal par contre à sortir Carreno Busta en 3 manches en 8e. Et là, il y aura un gros duel du coup entre ces deux joueurs et on espère pour un gagnant fils en demi-finale, ce serait historique dans ce tournoi de l'Open d'Australie. On verra en tout cas donc demain matin. Et puis avant ça, dans la nuit, on aura dès minuit tout à l'heure Yannick Sinner, l'Italien, face à Tsitsipas. Tsitsipas qui a eu beaucoup de mal à se qualifier. Le Grec qui s'est qualifié en battant en 5 manches Taylor Fritz, l'Américain. Et il affrontera donc Yannick Sinner qui lui s'est défaite de demi-nord un peu plus tôt en 3 manches, assez, pas simplement mais plus simplement. Et on retrouvera ensuite Félix Auger-Aliassime qui a battu Marin Cilic en 4 manches, qui affrontera Medvedev, la tête de série numéro 2 et désormais le mieux classé puisque Novak Djokovic est absent, et qui lui s'est défait de Chris Hill, l'Américain, en 4 manches. Il a lâché un petit set mais il sera au rendez-vous. Deux quarts de finale, le Russe plus que jamais favori pour le titre. Et puis il y a Rafael Nadal qui est toujours là, voilà, pour marquer l'histoire et remporter pourquoi pas un 21e Grand Chelem. Et ben c'est, il est encore là pour l'histoire et il affrontera Denis Shapovalov en quart de finale. Shapovalov qui a fait l'exploit mais la petite surprise du tournoi en sortant Alexander Zverev, tête de série numéro 3 du tournoi. En 3 manches, 6-3, 7-6, 6-3. Et puis Nadal, lui, qui s'est défait de Darren Manarino, auteur d'un gros parcours aussi, hein, Manarino, puisqu'il a sorti Urkacz, Karatsev notamment, et gros match, des gros matchs pour lui, mais la marche était trop haute, donc Nadal qui l'a battu en 3 petites manches. En tout cas, donc, cette nuit, Sinner, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Medvedev, Shapovalov, Nadal et Gaël Monfils face à Berrettini. Ça, c'est le gros rendez-vous de ce demain matin avec, on l'espère, pourquoi pas une demi-finale historique pour donc le Français. Du beau jeu aussi chez les dames où Alizé Cornet est la Française présente en quart de finale puisqu'elle a battu deux anciennes numéro 1 quand même en l'espace de du tournoi, puisqu'elle a battu d'abord Muguruza, l'Espagnole, qui est encore tête de série numéro 3 d'ailleurs du tournoi, 6-3, 6-3. Elle a sorti aussi donc en 8e de finale l'ancienne numéro 1 mondiale, la Roumaine, Simona Halep, en 3 manches. Elle était d'ailleurs menée et elle s'en est sortie 6-4, 3-6, 6-4. Et donc la Française qui se qualifie pour les quarts de finale elle aussi du tournoi, et elle affrontera, alors qu'on a un super arrêt là de Wesley Pardin dans une contre-attaque du Monténégro, et ça fait, on va suivre la fin puisqu'il reste une minute tout juste et pour l'instant donc plus 9 pour l'occasion de marquer le plus 10 dans cette dernière possession, certainement, puisqu'il reste 20 secondes, et les Bleus qui vont certainement faire tourner le chrono pour jouer une dernière, chercher un dernier tir, alors qu'on a une petite faute. Ouais, 10 secondes, on va peut-être avoir le temps de tirer. A priori, on va peut-être prendre le shoot pour Richardson, et c'est capté. Il y aura peut-être un dernier but. C'est beaucoup trop long, ça. Le gardien qui s'est enflammé. Et c'est terminé sur ce score, 36-27, plus 9 finalement. Ça suffit largement pour s'imposer et pour se donner une finale à jouer mercredi. Peut-être, puisqu'il faudra attendre l'Islande d'abord, qui jouera un peu plus tôt dans la journée mercredi. Parce que si l'Islande ne s'impose pas, eh bien le défi sera peut-être différent face au Danemark. Mais en cas de succès de l'Islande, il faudra au moins chercher le nul face au Danemark. Donc ça, c'est voilà, la conséquence de la défaite face à l'Islande. Bah, il faudra battre le Danemark, ça c'est, ou en tout cas de pas perdre. Mercredi, ce sera à 20h30. Voilà le rendez-vous des Bleus à venir pour se qualifier pour la demi-finale de cet Euro si compliqué, si particulier pour tout le monde. On le rappelle, avec des cas de Covid un petit peu partout dans toutes les équipes, personne n'est épargné ou presque. Et les Bleus, c'est le cas aussi avec Guillaume Gilles, avec heureusement le retour deux joueurs importants comme Fabregas tout à l'heure, qui a fait son retour, mais toujours pas Quentin Mahé qui pourrait, alors qui sera pas de retour face au Danemark, mais peut-être en demi-finale en cas de qualification. C'est Nicolas Karabatic qui a été élu homme du match. C'est vrai qu'il a été décisif. C'était pas le même homme que face à l'Islande, et on a retrouvé d'ailleurs une équipe d'ailleurs au complet presque, et un Karabatic aussi auteur de de pas mal de buts ce soir, et c'était un Karabatic à deux visages par rapport à celui qu'on a vu samedi, oui, face à l'Islande. Ça fait plaisir, mais c'est toute l'équipe qui a un autre visage, et tant mieux. Ils sont de retour, les Bleus, on l'espère, avant mercredi, où ce sera décisif, on le rappelle, face au Danemark. La suite, oui, donc de l'Open d'Australie cette semaine, donc Alizé Cornet, elle jouera donc demain soir, ce sera minuit par contre, ce sera beaucoup plus tôt a priori, cette rencontre face à Collins, la Britannique. Les autres quarts de finale qui verront Ashleigh Barty, la tête de son numéro 1, toujours là, c'est Pegula, l'américaine, une autre américaine, Madison Keys, pardon, qui affrontera Krejcikova, la tête de son numéro 4, et enfin Swiatek, la polonaise, face à Kanepi. Donc c'est la dernière affiche de ces quarts de finale, donc, de l'Open d'Australie. Un petit point du double. On a toujours la paire australienne, Kokkinakis-Kyrgios, qui ont été invités pour le tournoi du double, qui sont là toujours et qui ont fait la grosse perf, notamment de battre les numéros 1, tête sur numéro 1 du tournoi lors du premier match, et ça a fait beaucoup parler cette rencontre, parce que on a eu évidemment un public enflammé, et puis pas mal de chambrages qu'on connaît assez bien pour Kokkinakis et Kyrgios, qui ont beaucoup énervé les Croates, et qui Pavic et notamment, et surtout les coachs des Croates, et qui ont eu beaucoup on a beaucoup entendu dans les couloirs du stade, et ça a fait beaucoup parler, cette affaire-là. En tout cas, ils sont toujours là au rendez-vous des quarts de finale, les deux Australiens. Donc notamment tête sur numéro 2 aussi, ils sont toujours là. Voilà, il y a a priori pas de Français par contre dans ce tournoi. Donc du double masculin. Voilà pour le tennis. Donc fin de du tournoi dimanche, et avant ça, déjà Gaël Monfils et Alizé Cornet pour l'histoire, pour aller chercher des demi-finales historiques pour Alizé Cornet et pour Monfils, en tout cas à en Australie. On suivra ça donc dès demain matin pour Gaël Monfils. Ça promet, allez-y, hein, ce match. Donc le programme d'ailleurs qui a été validé, puisque Gaël Monfils, donc ce sera, je vous le disais, à partir de 9h, nous aurons Ashleigh Barty face à Jessica Pegula, et dans la foulée, donc Gaël Monfils face à Berrettini, donc peut-être vers 11h si ça va vite pour le match féminin. Et puis Rafael Nadal, lui, pas avant 4h du matin, pour ceux qui veulent suivre l'espagnol, ce sera dans la nuit. Et puis le foot, donc pour finir, le foot, c'est le dernier sujet de la soirée. Il est 22h, en plus on a bien respecté le timing. On va donc avoir Jérôme dans un instant avec nous pour donc ce point foot. On va faire un petit tour déjà dans un premier temps sur ce qui s'est passé un petit peu partout à l'étranger. Et puis on aura ensuite la partie foot en France, bien sûr, avec la Ligue 1, la Ligue 2, et puis aussi bien sûr le national. Là on démarre notre tour d'Europe avec l'Allemagne d'abord, la Bundesliga, où on jouait la 20e journée, qui s'est conclue hier par la victoire du Bayern, qui garde la tête d'ailleurs du championnat, s'est imposé à l'extérieur, donc du côté du Hertha Berlin, sur un score de 4-1, avec les buteurs Tolisso, Müller, Sané, Gnabry, voilà, que des buteurs différents. 4-1, score final, victoire du Dortmund aussi accroché, mais victoire à Hoffenheim 3-2, ou encore la victoire de Leverkusen 5-1 face à Augsbourg. Les trois leaders sont toujours là, enfin les trois premiers, 49 points pour le Bayern, 43 points pour Dortmund, 35 points pour Leverkusen. Dans ce classement, Voilà pour donc l'Allemagne. On jouait la Coupe d'Allemagne aussi la semaine dernière. Alors qu'on va normalement peut-être avoir Jérôme avec nous. Eh bien, on va le prendre en direct. Jérôme, qui va être avec nous ce soir. On va essayer de prendre à l'antenne en même temps que je vous parle. Le standard se met en place. Et normalement, si tout va bien, on a Jérôme avec nous. Allô, allô. Est-ce que Jérôme est là? Salut Jérôme. Je suis là. T'as vu ça? Comment vas-tu? Oui. Je me suis endormi avant. Comme ça, j'ai pas de problème. Je suis réveillé pendant. Voilà. Bon, tu te réveilleras pas pour le tennis cette nuit alors? Bah, c'est ce matin. C'est à 10h. Ah oui, si tu veux voir mon fils. Mon fils, c'est à 10h demain matin, donc c'est bon. C'est entre 10h et 11h, ouais. Mais la dalle, je crois que c'est 4h du matin, je crois. C'est ça, il faut se lever tôt, ouais, pour la dalle. J'avoue, la première semaine, j'ai regardé, ça a commencé vers minuit, 1h, mais après là, ça fait quand même trop tôt ou trop tard, c'est selon. C'est ça. Donc c'est pas simple. Non, mais. On a des belles performances quand même des Français, j'avoue que j'ai regardé Lise Cornet tous les matchs qu'elle a joué sauf aujourd'hui. Et franchement, à chaque fois, elle s'est donnée à fond, elle a fait des beaux matchs. Oui, elle s'accroche. Ça, c'était une vraie envie de gagner. Franchement, c'est une fille qui fait plaisir à voir jouer. Hein. C'est vrai qu'on on avait l'habitude de la voir des fois quand. Je pense aussi, c'est comme d'autres tennisman français. On les voit tellement à Roland Garros qu'on retient que Roland Garros, mais en fait. Oui, mais. Hors de leur base, c'est des très bons joueurs. Et surtout qu'elle va battre probablement, alors pour la première fois de sa carrière, après 63 grands chelems, elle est en quart de finale, mais surtout elle risque de battre, si elle fait les 4 grands chelems de la saison, le record de participation au plus grand nombre de grands chelems consécutifs. Avec 67 ou 68, je crois, hein, c'est ça. Oui, alors tu parles tout confondu hommes et femmes ou uniquement femmes? Je crois que c'est femmes. Ouais, parce que je crois. Alors, c'est peut-être que vous confondu aussi, mais je sais pas. Chez les hommes, je crois qu'il y a toujours un record en cours avec Verdasco ou un Espagnol, je sais plus qui, mais je crois que c'est Félix Lopez par hasard. Ou peut-être Lopez, ouais. Ah, ouais. Et je crois que le record est toujours en cours pour lui. Ah ouais. Mais je vais m'en sortir. De dire que c'est une Française qui va avoir ce record-là, c'est quand même, je trouve, un sacré record. C'est pas anecdotique, c'est pas anodin. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il faut tout. C'est fort, hein. C'est fort. Il faut être là. Le mec, il raconte n'importe quoi. Non, c'est vrai. Non, mais oui, il faut être là présent chaque fois. Pas de blessure. Pas de blessure, ouais, c'est ça. C'est quand même très rare. Après, être bien classé dans les 100, mais c'est pas que c'est facile. Mais évidemment, quelqu'un qui était dans les 10, 15 meilleurs mondiaux avant qu'il soit au-delà de la 150e place, faut qu'il s'en passe. Mais en effet, le fait de pas être blessé, quoi. C'est ça. Et d'être motivé. Parce que parfois, certains ont pas participé, faute de motivation, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Alors, voilà, j'ai l'info. Donc, participation consécutive en grand chelem, c'est Feliciano Lopez, 79. Série en cours, hein. Ouais, c'est en cours, parce qu'ils en parlaient, j'y pensais parce que j'ai entendu dire que Feliciano Lopez était encore dans le tournoi cette année. Ouais. Et il lui donnait un surnom improbable, et donc j'ai compris, oui, quand tu m'as parlé de ça, que c'était lui. Alors, donc lui, il est toujours là. Verdasco, effectivement, il est pas loin. Derrière, il y en a qui sont peut-être aussi au-delà des 60-70, hein. Ah bah, il y a Verdasco qui est, j'en parlais, si je l'avais bien vu, il est le deuxième avec 67, mais lui, il joue encore, mais la série est arrêtée. On a Andreas Seppi, 66, qui est en cours. Ah oui, d'accord, voilà, oui. Et on a Roger Federer, 65, bon, lui, c'est fini aussi pour la série. C'est fini aussi, ouais, voilà, mais, et puis, donc, chez les femmes, donc, Cornet à la 60, Francesca Schiavone, 61, et c'est Ai Sugiyama, une japonaise, qui est 62. 62, ouais, donc c'est ça. En fait, elle joue 3, donc elle fait 3 autres grands chelems, c'est Roland Garros, ouais. Wimbledon et l'US Open, elle battra le record avec 60, donc tu m'as dit 64, 60, 63, du coup. Elle sera 63. Ouais, elle est en 60e, non, mais c'est incroyable. C'est, hein. Ouais, c'est... Ça fait 15 ans de carrière sans s'arrêter. Alors, elle a fait son premier grand chelem à 16 ans, mais du coup, elle a pas fait les premiers tout de suite, parce que ça veut dire qu'elle a fait un grand chelem, après, elle a pas fait tout de suite les 60, elle en a fait plus de 60. Oui, c'est ça. Une interruption, elle doit être à 63 ou 64, je crois. Ouais, elle a dû s'arrêter au départ, oui. Elle a dû en faire un, puis s'arrêter, puis enfin, pas être qualifié pour le suivant, puis en faire deux, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Oui, parce qu'il y a aussi ça, le fait de pas se qualifier, ça peut, oui, ça peut t'arrêter dans série. Au départ, tu te qualifies juste pour les grands chelems, t'es dans les meilleurs, juste. Oui. T'as les wildcards, et puis après, bah, voilà. Après, où tu rentres dans le tableau facilement, ou tu rentres plus du tout, quoi. C'est ça. Vraiment statistique incroyable. Oui. Et puis grosse perf sortir Simona Halep elle sort Muguruza. Elle l'a laminé. Elle n'est jamais rentrée dans le match, Muguruza. J'ai vu le match de A à Z, mais dès le début, on a senti que tu toucherais pas un caillou. Ouais, c'est fort. Il y a eu Muguruza au tour d'avant. Je crois que c'était une Française qu'elle avait joué. Bon, bah, tu te dis, il y a un monde. Et donc, j'étais inquiet du match contre Alizé Cornet, mais en fait, non, Alizé Cornet, elle l'a pris à la gorge dès le début du match. Elle s'en est jamais sortie. Ouais. Mais tant mieux, hein. C'est fort ce qu'elle fait. Ah ouais, parce qu'il fait 6-3-6-3, c'est le premier match. 6-3-6-3, c'est quand même. Oui, 6-3-6-3, ouais. Et face à Alep, c'est. Elle est en 3-7, là, par contre. Ouais, mais on a cru qu'à un moment, elle allait craquer parce qu'elle était menée avec des balles de break à sauver en début de troisième manche, et puis finalement, elle s'est accrochée. Et ce qui est parfois pas le cas, parfois c'est plutôt d'inverse. Ah bah parfois ça lâche, oui, ouais, c'est vrai. Et puis là, ça l'a fait. Je suis d'accord. Et donc ça se qualifie pour. Et que dire de Gaël Monfils alors ? Et voilà, et Gaël Monfils qui est surprenant. Alors, puisqu'il. Ah, ça l'année passée ? Ouais, c'est ça. Mais complet, hein. Ah oui, il était complètement. Un petit à la ramasse, hein. Il était trop amoureux, je crois. Ouais, ouais. Là, il est trop amoureux, mais ça, il rejoue au tennis. Et ouais, il a aussi des grosses perfs, hein. Il a pas perdu un set encore. Il a battu le joueur du tournoi, hein, pas européen 7. C'est le seul joueur, oui, effectivement. Bon, après, il est en quart de finale, donc il reste que 8 joueurs. C'est ça. Ouais. Ça aide. Et donc, il affrontera Berrettini demain matin, et ça va être un gros défi encore. Ah, sacré match, ouais. Donc 10h, entre 10h et 11h. Bon, après le match des filles. Night Session. En Australie, ce sera la Night Session. Évidemment, à 9h, on a acheté Barty, et c'est le match d'après. Donc à partir de peut-être 10h30. Ouais, c'est ça. Dès que les filles terminent, quoi. Donc là, gros rendez-vous à voir pour le tennis. Bon, écoute, j'aurai un peu de temps le matin, je vais essayer de regarder un petit peu le match. Ah oui, il faut jeter un œil, ça va valoir le coup. Ça vaut le coup. Je pense. Ça finit, tiens, on parlera dans un instant, mais c'est fini pour la CAN. Le Cameroun s'est qualifié pour les CAN. Contre les Comores. Comores sans gardien. C'est ça. Ouais, c'est surprenant comme équipe. Ah, tout arrive dans le foot. Eh oui, 2-1, victoire, ça s'est passé pour le Cameroun. On verra ensuite la suite des matchs. Avant ça, nous étions où ? Eh bien, nous étions, je ne sais plus. Ah oui, un petit point sur ce qui s'est passé à l'étranger. C'était un petit peu. Alors, c'est pas comme en France où nous on joue plus la Coupe de France reviendra un peu plus tard. On a joué toutes les coupes la semaine dernière en. Ouais. Un peu partout en Europe. Alors en Allemagne, le Bayern était déjà sorti. Ben, le Dortmund aussi est sorti. Donc il reste plus grand monde dans cette compétition. Il y en a quand même. On a quand même 1, 2, 3, 4 clubs de deuxième division qui seront en quart de finale. Hein. Ouais. C'est rare. Hein. 4 sur les 8. Et les seuls clubs de D1, on a donc on trouvera Bochum qui est un des mal classés en plus. Bochum, Fribourg, Union Berlin et Leipzig. Ouais, il y a Leipzig. Je me rappelle quand tu disais M-Gladbach. M-Gladbach, ouais. et M-Gladbach, ils ont perdu face à Hanovre, qui est une équipe de Z2 pourtant. Ouais. Et Berlin, Fribourg et il y a que Leipzig qui est l'un des un petit peu mieux classés, qui fera partie des peut-être des favoris pour la fin. Mais finalement, on n'a pas de grosses équipes dans cette fin de compétition. En Italie aussi, alors par contre on retrouve là du très lourd, l'Inter, le Milan AC, la Juve, la Lazio, la Roma en quart de finale, Bergame, voilà, et puis qui va rejoindre aussi la Fiorentina et Sassuolo, mais du très lourd pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. En revanche, on retrouve des choses assez logiques. L'Inter domine toujours le classement, pour l'instant avec 53 points. Napoli et le Milan 49. Voilà, c'est le point. Et l'Inter a plus un match de moins. Mais l'Inter qui revient très très fort cette année. C'est vrai. Tout comme le Milan d'ailleurs, comme les deux équipes du Milan qui reviennent très fort et ça fait plaisir. En Espagne, c'était aussi la Coupe. La Coupe du Roi. Ouais, j'ai regardé pas mal. Il y avait aussi la Super Coupe la semaine dernière. Et il y avait aussi la Super Coupe. Tout ça, c'est sur l'équipe en plus. C'est sympa. C'est sympa. Hein. Franchement, c'est beau match et tout. Non. Et c'est passé pour le Real qui, face à Elche, gros match. Ouais. Ouais. Après prolongation, tous les buts en prolongation. Hein. Mm-hmm. D'abord, 104e pour Elche, 108 Isco et 116 Hazard. Voilà. D'accord. Ça passe pour le Real, donc il se qualifie. En revanche, c'est fini pour le Barça, battu aux prolongations par Bilbao. Là aussi, un match assez fou, 3-2. Un bon match. Ouais, c'est vrai. Ouais. Égalisation du Barça dans les dernières secondes, et puis 105e, c'est Bilbao qui va finalement marquer et qui élimine le Barça. Élimination aussi de l'Atlético Madrid qui a perdu 2-0 face à la Sociedad. Valence qualifie, notamment. On retrouvera donc Real Sociedad, Betis Séville, Athletic Bilbao, Real. Voilà, la revanche de la finale de la Supercoupe. C'est ça. Puis c'était dimanche, donc ça, ce sera pas avant le 2 février. Bon, ça arrive vite, va me dire, c'est déjà la semaine prochaine. Hein. Rayo Vallecano, pardon, Mallorca et Valence Cadix, que des clubs de première division. Bah, en revanche, il n'y a pas eu de surprise dans cette coupe. Et puis, sur le championnat, le Real qui est toujours installé en tête, puisque malgré son match nul face à Elche, alors deux pépins pour le Real, ce match nul, même s'ils sont en avance, et surtout la blessure de Karim Benzema. Ouais, bon, il devrait être indisponible un petit peu, mais ça devrait pas être trop long, mais quand même petit pépin pour le Real, mais qui reste installé avec 4 points d'avance en tête du classement, avec Séville 2e, Betis, Atletico et Barça, qui est toujours un peu décalé, mais qui revient tranquillement sur le podium. Et pour finir, l'Angleterre, où là ça bouge toujours, il se passe toujours des choses, un petit peu partout. La Cup s'était déjà passée la semaine dernière, donc c'était la semaine d'avant. Et en revanche, on connaît le qualifié pour la Coupe de la Ligue. La finale, c'est Liverpool qui a rejoint Chelsea, qui a battu Arsenal 2-0 jeudi, et qui a eu match nul à l'aller. Donc c'est Liverpool qui se qualifie. Donc Chelsea-Liverpool, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, et ce sera le 27. Alors en Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise n'a rien à voir avec la Coupe de la Ligue qu'on avait en France. Hein. Ouais. On la prend vraiment au sérieux. Au sérieux, match aller-retour, compagnie. Ou alors match aller-retour uniquement en demi-finale par contre. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est particulier. Match, hein. Ouais. Et donc là, c'est vraiment une sacrée compète, et on la joue, et on retrouve d'ailleurs, ça se voit, puisqu'on retrouve encore les meilleurs en finale. Donc ce sera fin février cette rencontre. Et puis semaine prochaine, retour de la Cup, la Coupe d'Angleterre, avec au programme le 4e tour, c'est les 16e là-bas en Angleterre. Ouais, c'est ça. Et puis au championnat, là toujours des gros matchs, avec peu de surprises. Liverpool s'est imposé, Chelsea également, United. Par contre, petit accro pour City, un partout, et Arsenal également, qui a été tenu en échec 0-0. City qui est toujours installé, 57 en tête, Liverpool 48, voilà, on a quand même déjà 9 points de retard. Chelsea 47, United 38, Arsenal 36 et Tottenham 36. Voilà, on retrouve finalement le top 6 habituel dans ce championnat anglais, voilà, qui devrait normalement, si tout se passe bien, être gagné, remporté par City cette année. Et puis revenons en France, où ça. Alors juste avant, non, avant de revenir en France, là, c'est la CAN, bien sûr, on est dans les 8e de finale. Donc pour l'instant, le Cameroun qui s'est qualifié tout à l'heure, qui a battu donc le Comore 2-1. Oui. Donc qualification du Cameroun qui affrontera la Gambie en quart de finale, puisque la Gambie a battu un peu plus tôt la Guinée 1-0. On retrouvera la Tunisie qui a battu le Nigeria hier 1-0, qui affrontera le Burkina Faso qui a battu le Gabon au tir au but. Mm-hmm. Et puis il reste encore à jouer, donc demain, Sénégal Cap Vert, ce sera à 17h, et Mali Guinée équatoriale à 20h, et les deux vainqueurs se rencontreront en quart. Et puis de l'autre côté, en bas, la Côte d'Ivoire face à l'Égypte, ça c'est la grosse affiche de demain. Oui. De mercredi. Ouais, d'accord. Ouais, à 17h, et puis Maroc Malawi s'ils sont qualifiés, donc ce sera à 20h mercredi. Et donc le Maroc pourrait, en cas de qualification, affronter la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ce sera des gros quarts en tous les cas. Donc pour cette CAN qui se terminera la semaine prochaine, il y aura donc les quarts de finale jusqu'à dimanche, et les demi en milieu de semaine prochaine, et la finale dimanche prochain. Voilà pour la CAN. Et revenons maintenant en France, avec d'abord l'USO, enfin une victoire. On en parlait vendredi. Oui, alors je suis allé voir le match. Alors j'étais pas pu rentrer parce que je suis arrivé à la mi-temps et les guichets étaient fermés, donc j'ai regardé de loin. J'ai vaguement vu le deuxième but, l'USO. Apparemment un match d'un niveau quand même assez faible. Hein. Oui, c'est. Sans être inquiet. Ouais, en plus, quand tu vois les classements, c'est bon, ça peut refléter aussi le match. Ouais. Mais c'est une victoire très importante, hein, quand même. Ouais. Pour Orléans qui était mené en plus 1-0. Hein. Assez rapidement, après 7 minutes, et puis d'abord Albi Touré et puis Saint-Ruf qui va dans les un quart d'heure permettre à Orléans de s'imposer. C'est un but un peu rageur, un beau but. Ouais. Ouais, c'est important. Ouais. Un but important. Il fallait absolument gagner. Oui, c'est contre un concurrent direct au maintien qui je crois est dernier. Hein, même. Bah, qui est toujours, ouais, qui reste dernier avec 2 victoires seulement. Hein, donc c'est vrai que c'était important de gagner Orléans et ça va un peu mieux. 13e, 20 points, qui est alors là il y a, si je ne me trompe pas, 3 descentes et un barragiste, le 15e, puisqu'on est que 18. Peut-être, ouais. Alors non, il n'y a pas de barragiste en national, c'est les 4 derniers. Non, c'est bien. Eh oui, parce qu'on, forcément, puisqu'il en monte 4 de national. Il en monte 4 de N2. De N2. Ouais, et donc, pour l'instant, on a Boulogne 10 points, Bastia Borgo 15, Créteil 16, et puis Chambly et Red Star 19. Chambly Red Star, ouais, la Red Star est pas bien, je crois. Non, et Orléans est 7, 20 points, donc il y a qu'un point d'avance sur le premier relégable pour Orléans finalement. Ouais, non, c'est pas... C'est long. Sorti de l'auberge. Hein. Ah non, loin de là. Il faudra poursuivre, on espère, aller démarrer une série avec un déplacement à Chambly. Bah, là, c'est un concurrent direct aussi, hein, donc non, il joue Red Star, il joue Sedan demain soir. Ah, monsieur Rotard. Je crois bien. Ah, alors je vais te confirmer ça. C'était, ah oui, il y a 2 matchs de retard pour Orléans, je crois. Oui, Sedan, c'est deux. Ouais, c'est ça. Demain soir à 19h, tout à fait, et ce sera à domicile encore. Oui. Alors, Sedan qui est 8e, voilà, du classement. Bah oui. Et après, il y aura un autre match de retard, si je dis pas de bêtises, ce sera face à Concarneau, et ce sera samedi soir. Ah oui, parce que la Coupe de France, donc comme ils jouent pas, ils vont pouvoir faire le... Ils vont pouvoir s'en rattraper ce retard. Okay. Et Concarneau qui est premier, hein. Donc, ah oui, voilà. Oui. Deuxième, pardon, parce qu'ils ont perdu, ce week-end. Donc ouais, il y a de gros matchs à jouer dans la semaine. Et du coup, il faudrait au moins gagner un, quoi. Donc ça va être très compliqué, mais oui, donc oui, c'est ça. C'est la Coupe de France, donc c'est pour ça que samedi ça joue pas. Et donc au retour de cette Coupe de France, tu le disais, il y aura donc face à Chambly et ce sera l'un des concurrents puisque Chambly est à un point de retard. Voilà. Donc, bah, c'est vrai que d'ici là, peut-être qu'Orléans aura plus de points, on l'espère. Mais ça restera un concurrent direct quoi qu'il arrive de toute façon. Cette équipe de Chambly. Donc et donc ce sera ça la semaine prochaine, le 4. Donc pour là le national. Et donc la Coupe de France ce week-end, c'est les 8e. Si je dis pas de bêtises. 8e de finale, ça sera vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà. Donc Nantes-Brest, on aura ensuite des Ligues 2, Nancy, Amiens, Toulouse-Versailles. Ah oui, petit poussé, Versailles. N2, Reims, Bastia, Marseille-Montpellier. Ça sera le choc de samedi soir. Dimanche, Bergerac-Saint-Etienne. Est-ce que Saint-Etienne va enfin pouvoir gagner? C'est une équipe de N2. Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est même pas sûr. Et puis, Lens Monaco, c'est belle affiche de dimanche soir. Ah ouais, ouais, et puis lundi, c'est Paris qui affrontera Nice. Là aussi, belle affiche. Hein. Ouais. Il y a des bons matchs dans ces cas. Moi, je suis content. J'ai Eurosport, je vais regarder les matchs. Ah bah, tu vas pas tout regarder. Tu vas pas regarder, ouais. Ah ouais, c'est top. Et donc Paris-Nice, ouais, qui clôturera lundi soir. Un mot de. Rapide de la Ligue 2 pour le point sur ce qui s'est passé ce week-end avec la tête toujours dominée par Toulouse hein, qui malgré son match nul à Bastia alors il y a eu beaucoup de 0-0 hein. Bastia donc Toulouse, Dunkerque Sochaux et Le Havre Rodez, tout ça 0-0. D'accord. Grenoble Lyon reporté carrément. Ah oui, carrément. Voilà. Dijon a battu Quevilly 1-0 et Amiens a battu Guingamp 3-0 et tous les autres matchs reportés. Voilà, il y a eu 5 reports. Donc tant pour moi, quand Ajaccio c'est en direct. D'ailleurs quand même 1-0. Mais par contre les 3 autres matchs sont bien reportés. Hein, donc ce sera le 1er février, la semaine prochaine, où on va rattraper ces 3 matchs. Voilà, il y a encore des petits soucis de Covid un peu partout, hein, évidemment. C'est pas fini ça. C'est pas fini, non. Toulouse 42, Ajaccio 41 et Sochaux 40. Voilà le podium pour l'instant de ce classement. Et puis en bas, par contre, pour Nancy, Nancy 15 points, il y a déjà 8 points de retard sur le 17e, ça sera compliqué. Et Dunkerque qui est pas très très bien non plus dans ce championnat de Ligue 2. Et terminons bien sûr avec la Ligue 1. La Ligue 1 avec donc la 22e journée. Alors, fait assez rare pour le préciser, il n'y a pas eu de match nul. Ah oui. Ouais, c'est rare. Ah ouais. Beaucoup de victoires à domicile. Et ouais, 8 victoires à domicile et seulement 2 extérieurs. C'est une journée assez inédite. C'est vrai que quand j'ai vu la liste des résultats, je me suis rendu compte de ça. Ouais, c'est plutôt rare. C'est d'abord le derby de Lyon-Saint-Etienne vendredi qui démarrait. Alors, derby qui n'est plus très équilibré. Ce que j'allais dire, ouais, c'est plus le même derby qu'avant, mais. Ah non, là, c'est tristoun, là. Et Lyon qui en plus qu'enchaîne une deuxième victoire, ça faisait depuis le mois de septembre, c'était pas arrivé. Et voilà, face à Saint-Etienne, bon, un but sur penalty encore qui s'en sort comme face à Troyes le week-end précédent. Mais ça suffit, ça suffit pour prendre les trois points. Saint-Etienne en revanche, bah ça, c'est un petit peu plus la crise encore dans ce championnat. Saint-Etienne. Ouais. C'est plus que compliqué. Hein. C'est dramatique. Autant il y a d'autres équipes en difficulté comme Bordeaux, où c'est sûr que c'est pas mais tu sens quand même pas particulièrement de tension en interne, ou en tout cas l'équipe est pas très forte, qu'on va dire. Voilà, ça se résume à ça, Bordeaux. Mais à Saint-Etienne, c'est un bordel sans nom. Et puis en plus, alors eux, je pense que c'est pire que tout, parce qu'ils arrivent à se trouver des excuses en se disant il y a des joueurs qui vont revenir de la CAN. Enfin, ouais, mais enfin, ils sont pas partis depuis 6 mois, les mecs. C'est pas possible, ça. Ouais, non, mais oui, non, c'est, et puis toutes les équipes ont perdu des joueurs. Bon, certains peut-être moins, mais ça fait pas, ça fait que 2 semaines qu'ils sont partis, les joueurs. Oui, bien sûr. Non, mais, trouve toujours de, oui, oui. C'est leur problème date pas d'il y a, je pense pas qu'il date d'il y a 15 jours. Saint-Etienne, ça fait, un certain temps que c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc voilà, ils joueront demain, c'est un match reporté hein, de la 20e journée, je crois. De la 20e, ouais, ce sera face à Angers. Et ce sera demain soir, donc pour rattraper cette journée. Voilà, donc Angers qui est 12e, donc bon, on verra. Donc ce match de demain pour Saint-Etienne. On a ensuite donc comme résultat. Bah après c'est dimanche, donc dimanche samedi Brest a battu Lille, donc Lille après 2 succès bah rechute à Brest 2-0. Ouais, ils ont mal démarré le match, mais ils ont pas bien fini. C'est ça, ouais tout à fait. Ouais. But tout début, puis but tout à la fin. Donc 2-0 pour les Brestois. Marseille qui enchaîne à Lens à une victoire à donc 2-0, qui a fait le boulot. Ouais, Marseille, ça tourne bien. Payet encore qui est en forme, et puis Bakambu, la recrue, qui va marquer en fin de match. Ouais. Donc le boulot, il fait. Ça tourne, Marseille. Ça tourne, ouais, ça tourne très bien. Ça tourne. Une autre équipe qui tourne bien, c'est Nice qui dimanche s'est imposé à Metz 2-0 aussi, même score. Oui. Voilà, ça tourne bien. C'est vrai. Qui suit Marseille, Marseille gagne, puis dans la foulée, c'est Nice qui gagne chaque fois pour repasser devant. Mais du coup, ça, voilà, c'est une des équipes qui vont jouer le podium jusqu'au bout, hein, a priori. Ouais. Voilà, les Niçois et Marseille, qui sont bien installés dans ce podium. Tout à fait, je pense. Gros match entre Bordeaux et Strasbourg, et c'est Bordeaux qui s'impose 4-3. Ouf, c'est du bien, c'est surprenant, ouais. Ce match. Ouais, ben, il fallait. Ah, il fallait. C'était important. J'ai mis mon téléphone qui a démarré. T'as un doublé pour Camero côté Strasbourgeois. Mais il avait marqué le week-end d'avant, je crois déjà. Déjà, ouais, c'est vrai. Il marque pas mal en ce moment. Et je savais même pas qu'il était à Strasbourg avant le week-end d'avant, tu vois. Mmh, ben c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup. Là, j'ai vu qu'il était à Strasbourg. Ouais, et ben doublé. Mais ça a pas bien. Suffi, ça a pas suffi puisque. Bah, Camero. Quel âge il a? Il a quel âge? Ouais. Oh, c'est une bonne question. Je vais te dire ça. J'aurais dit 34 peut-être. Ouais, 34. Ouais, 34. Ouais, il est plus du jeune. Hein. Enfin, plus. Ouais. Pour le foot en tout cas. Ouais. Et ouais, donc Bordeaux 4-3. Il y a eu des buts en fin de match, deux buts en fin de match. Mais Bordeaux ben déjà 4-2, donc ça. Oui, et puis ils même 3-0. Donc ah, ouais, ils auraient pu perdre, hein. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Ils sont pas après. Hein. Donc victoire. On en a vu d'autres. Hein. Oui, c'est ça. Victoire donc de Bordeaux 4-3. Ça fait du bien aussi un petit peu au classement cette victoire donc de Bordeaux. On a ensuite toujours dimanche donc hier Clermont qui a battu Rennes petit accro à Clermont 2-1 défaite. Ouais. Voilà donc surprenant. Ouais, surprenant. Ouais. Rennes qui menait 1-0 mais voilà. Et puis ouais, c'est ça, de mener 1-0 et de perdre le match quand même. Ouais, c'est assez rare pour ça peut arriver hein, une petite chute et bon bah ouais, voilà, le rythme qui a pas suivi hein, pour les Rennais. Ouais, c'est vrai. Nantes qui fait une belle saison aussi, hein, qui a battu encore la Lorient 4-2 en plus avec des buts à chaque ouais, fois. Ouais, Nantes sont pas mal, ouais, c'est vrai. Ouais, qui marque beaucoup en plus. Donc 4-2, score final pour Nantes face à Lorient. Notre victoire à domicile, de toute façon dimanche il n'y a eu que ça quasiment. Angers qui a battu 3, doublé pour Mangani, doublé sur pénalité en plus. Face à 3 et alors qui n'était pas titulaire, je regarde qui était titulaire le week-end précédent, notre ami j'ai oublié son prénom, qui champion du monde 2018. Adil Rami, ouais, qui était pas sur la feuille a priori qui était face à Lyon mais qui était pas là face à Angers. C'est Angers donc qui s'impose 2-1. Match aussi assez avec beaucoup de buts, c'est Montpellier de Monaco 3-2. Et ouais. C'est Montpellier qui s'imposerait au finish. Ah, Montpellier, ça tourne, hein. Ça tourne aussi, ouais. Ah, oui. 3-2 et but en toute fin de match. Toujours le premier tiers du championnat, à peu près, pour Montpellier. Ils sont assez solides. Hein. Ouais, ça tourne bien. Monaco, qui fait un petit peu, qui est pas très régulier, hein, qui gagne 2-3 matchs de suite, et puis là, qui va rechuter encore. C'est ça. Donc, ça fait une place qui est pas sur le podium pour l'instant. Bon, il reste encore quelques journées, mais faut se mobiliser. Et enfin, hier, Paris face à Reims, pas de détails, pas de débat, 4-0 pour Paris. Pas trop, non. Avec un doublé pour Verratti, tiens, c'est assez rare. Pour le signaler, c'est-à-dire un but, c'est rare, mais un doublé. Alors là, on n'en revient pas. Ah, c'est très très rare. Extrêmement rare. Ramos aussi qui est marque pour un de ses premiers matchs. Il n'a pas joué beaucoup pour l'instant. Et c'est retour de Messi qui est rentré à l'heure de jeu. Bon, qui n'a pas marqué, mais. Est-ce qu'il va jouer la Ligue des Champions, Ramos? Oui, c'est la question. Et d'ailleurs, c'est la même question pour Benzema qui s'est blessé du coup. Est-ce qu'il sera de retour pour le match aller face à Paris? Et c'est un petit peu la crainte de, pour l'instant de. Ah ben Benzema, il s'est pas blessé quand il fallait. Enfin, pour le PSG, oui, mais pour le Real, non. Ouais, c'est mal tombé. Mais bon, c'est très mal tombé, oui. Il risque d'être un petit peu juste peut-être pour le match aller, on verra. Ce qui nous donne après toutes ces résultats, le classement, toujours Paris évidemment, 53 points, Nice 42 points qui reste deuxième, Marseille 40 points mais qui a toujours un match de retard à jouer face à Lyon. D'ailleurs, je crois que non, le match n'a pas été, alors la date n'est pas décidée, mais on jouera probablement début février ou entre la semaine prochaine, entre le 31 et le 5, ou la semaine suivante, je crois, autour du 8, 9, 10 février, quelque chose comme ça, 9 ou 10. D'accord. Voilà. D'ailleurs, ça a beaucoup fait parler, puisque le Marseille, qui a attendu le dernier moment pour se manifester, et finalement, on s'était volontaire, puisque les Brésiliens de Lyon sont partis avec la Nation, et ouais. Ça fait de gros joueurs, Paqueta, et j'ai oublié le deuxième, mais... Ça fait des gros joueurs et ça a beaucoup fait parler, mais en tout cas, ça devrait jouer à ces périodes-là. Et Marseille qui pourra trouver la deuxième place, peut-être à ce moment-là. Strasbourg ensuite, Rennes, Montpellier, Monaco, Lens, Nantes, Lille est 10e, Lyon 11e, ça avance tout doucement aussi pour Lyon, malgré des victoires consécutives. Clermont, 21 points, ensuite 3, 20 points. Bordeaux n'est plus relégable et 17e avec 20 points. Et ouais. Alors, oui. C'est Metz qui a pris sa place, qui est 18e, 19 points, Lorient 17 points et Saint-Etienne 12 points, qui reste sur une série de... Voilà, j'étais en train de regarder, j'en vois 5. 7, je crois. 1, 2, 3. 7. Ouais, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Dernier succès, il remonte au 21 novembre. La plus grosse série de défaites, je crois, c'est Toulouse, une année, l'année dernière, il y a 2 ans, ils en ont enchaîné, je sais pas combien, 12 ou 13, non? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, l'an dernier, peut-être il y a 2 ans, ouais. Oui, ouais, ça avait été incroyable. Oui, c'est ça. Triste record, ouais. C'est ça. Quand même toujours 1-0 en Ligue 2, il reste 2-3 minutes face à Ajaccio. Pour l'instant, c'est une petite surprise. Et Annecy-Concarneau, c'est en national 0-0 toujours dans cette rencontre. Allons-y pour pronostiquer la 23e journée. Ce sera ce week-end. Allez. Pronostic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pronostiqué. Là, j'ai dû faire 0 ce week-end parce que comme tu mets les matchs. Moi aussi, j'avais pas joué non plus. Ah ben d'accord, ouais, c'est bien dingue. J'ai pas joué les 3 dernières comme toi. Alors donc j'ai parié pour victoire des anciens à Saint-Jean-de-Blanc, moi. Ah oui. Je me suis rattrapé. Ouais, c'était incroyable. C'était beau. Oh que c'était beau. C'était beau. Ah c'était beau. c'est parti donc pour la 23e journée. Ce sera. Donc d'abord vendredi, c'est Marseille qui jouera vendredi pour une fois, qui recevra Angers vendredi donc à 21h. Marseille, hein. Oui, moi aussi, Marseille, Angers qui est 12e, Marseille, ouais, pour moi aussi. Ah bah non, je dis, attends. Là, on pronostique pendant 15 jours. Hein. Ah oui, c'est pendant 15 jours. Bah écoute, fais-le parce que c'est pas sûr qu'on soit la semaine prochaine. Ce sera fait. Parce oui. qu'il y aura, on rappelle, la Coupe de France ce week-end. Donc c'est donc dans 15 jours. Enfin, dans peu plus d'une semaine. Ensuite, le samedi, on aura Saint-Étienne-Montpellier. Saint-Étienne n'aura pas son classement dernier. Montpellier qui est 6e. Montpellier pour moi aussi. Ouais. Je vois pas autre chose. Non, mais Saint-Étienne, je ne vois pas se relever. Non, moi non plus. On continue avec toujours le samedi à 21h. Ouais, le TE, j'aurais fait une croix sur la D1 et puis tiens, bah, tu repars avec l'année prochaine en Ligue 2, mais c'est pas en prenant Dupraz que tu raisonnes comme ça. Donc, non, Dupraz, c'est pas, c'est pas son, sa mentalité, non. Bah non, ah, non. Donc je comprends pas. On a. Il croit, mais je vois pas, enfin, je vois pas, non. Je vois pas. Ça, semble très, ça semble compliqué quand même, ouais. Ah, ouais. 21h, bon match, Monaco-Lyon. Je vais mettre Monaco, moi. Eh ben, allez, je vais mettre un petit nul, moi. Allez, pourquoi pas, oui, c'est pas mal aussi ça. Dimanche, on aura le dimanche, on aura Lorient, Lens, Lorient, 19e, Lens, c'est 8e. Lorient-Lens ou Lens-Lorient? Lorient-Lens. Lorient-Lens. Ça va être Lorient. Je vais mettre Lorient, moi. Ah ouais? Ouais, parce que Lorient, ils sont pas bien, il va falloir qu'ils se réveillent et ils sont habitués à ce type de match. Ah, je m'élance quand même, allez. On aura Nice, Clermont aussi, Nice 2e, Clermont 15e, Nice pour moi, à domicile. Strasbourg, Nantes, Strasbourg 4e, Nantes 9e. Mais j'en mets un nul là. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre Nantes, Strasbourg quand même. C'est pas toutes les journées qu'il va pas y avoir de nul, si. Non, peut-être pas quand même. Ouais. Bah, il va être là mon nul, je vais voir, je pense. On a ensuite Reims, Bordeaux. Oula, oui. Reims 14e, Bordeaux 17e. Là, c'est le nul pour moi. Ah oui, oui, oui. Ça risque d'être nul d'ailleurs. Ouais. J'ai des chances. Ça reste, c'est possible que ce soit pas terrible. Ouais. Moi, je vais mettre Reims. Allez. Toujours dimanche, 3 face à Metz. 3 16e, Metz 18e. Là aussi, c'est. Ça va être vrai. Je vais mettre 3 moi. Mais sans conviction. Ah, moi aussi, 3. Sans grande conviction. 17h, Rennes, Brest, Rennes 5e, Brest 13e, Rennes pour moi. Nul pour moi. Ah, c'est bien de mettre des nuls aussi, il en faut, j'en ai mis qu'un, mais. Peut-être. Ouais, et enfin, à 21h, enfin 20h45, on aura Lille-Paris. Ce sera le match de la soirée. Et Lille qui est 10e. Je vais mettre Paris. Et le score? Paris va gagner 2-1. Allez. Ça sera 3-1 pour moi, pour Paris. Et je crois que c'est pas mal ce petit point-là. J'hésite à mettre en note nulle, mais je sais pas où, donc je crois que je vais rester comme ça, tant pis. Peut-être une journée avec un seul nul, hein. Possible. Oui. Non, allez, je bouge pas, je laisse comme ça, on verra. Donc dans 15 jours, d'ici là, le programme de la semaine, alors que c'est terminé, non pas encore fini, quasiment. Le problème de la semaine, donc, ce sera la Coupe de France, on le disait, ce week-end, les huitièmes de finale, vendredi, samedi, dimanche et lundi, il y a des bons matchs à suivre. Hein. Il y en aura certains d'ailleurs sur France Télé. Hein, ah oui, d'accord. Je sais pas lesquels, mais je vais vous dire ça tout de suite, parce qu'on doit déjà avoir le programme. Donc Nantes, le premier sera sur Eurosport, ça c'est sûr. Le samedi, on aura Marseille, tout sera sur Eurosport. Et le dimanche, non, ce sera lundi alors, je crois. Je vais vous dire ça. Voilà, ce sera Paris-Nice sur France 3 à lundi. Ah oui. Et Eurosport aussi. Mais les autres seront que sur Eurosport uniquement. Ah, ça. Sauf, d'ailleurs, Toulouse-Versailles sera même pas diffusé, lui. Non, on a décidé de pas le diffuser. Donc ça, ce sera ce week-end. On aura que ça. On n'aura pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, pas de National, forcément. En foot, le tennis, bien sûr, c'est l'Open Australia encore la deuxième semaine. Demain, rendez-vous à ne pas manquer, c'est Gaël Monfils face à Matteo Berrettini aux alentours de 10h, 10h30, 11h. Soyez au rendez-vous sur Eurosport aussi. Hein. Voilà ça. Et quart de finale, important. Et puis, Alizé Cornet, ce sera demain soir, aux alentours de minuit. Voilà. D'accord, bah, regardez ça. Qu'ils auront dans les premières. Donc, d'accord, ah ouais, minuit, ça fait midi là-bas. Ah voilà. Ouais, d'accord. Je rentre dans les premières, donc voilà, peut-être pas minuit, t'as ouais, fait minuit, mais ouais, je rentre dans les premières. Possible, hein. En fin de grosse fin de soirée. Elle joue qui d'ailleurs? Elle joue une américaine qui est euh, qui est dans les 30 mondiales. Alors, je vais te redonner son nom. Alors, les écornées, elle affronte donc l'américaine Collins, qui est 27e mondiale. D'accord. Voilà. Et ouais, donc c'est jouable. Hein, c'est jouable pour elle. Elle a fait des grosses perfs, elle peut encore en faire une. On aura donc le tennis cette semaine, le rugby, c'est le retour du top 14 après la Coupe d'Europe. Ce sera une nouvelle journée et bientôt le Six Nations qui arrive très vite. Les Bleus en préparation déjà, donc les clubs vont être très amputés ce week-end. Pour ouais, c'est rugby, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Ça ressemble à pas grand-chose. Ah, c'est un peu space. Hein. Ouais. Ouais. Ils mettent des forfaits à des équipes parce qu'ils doutent qu'ils vont se qualifier. Enfin, on voit bien que c'est tout bidouillé là. C'est... Oh oui, bah oui, c'est ça. Ils achètent la paix. Oui, les Anglais qui reportent les matchs quand ça les arrange. Ouais, bref. Le basket, Orléans jouera à l'extérieur au Mans samedi soir. Voilà. D'accord, ils ont perdu ce week-end, hein, je crois, à domicile contre Monaco. À Monaco, ouais, c'était assez logique, ouais. D'accord. Voilà, pour le basket, en tout cas, ce qui concerne Orléans. Le reste continue toute la semaine, bien sûr, en NBA notamment. En handball, c'est la suite et la fin de l'Euro cette semaine. Les Bleus qui peuvent encore se qualifier pour les demi-finales. Alors, tout a été rebattu aujourd'hui, après la défaite de l'Islande, et surtout après la victoire des Bleus tout à l'heure, qui a gagné face au Monténégro 36-27. Mercredi, ce sera peut-être la finale du groupe, enfin la finale pour les Bleus, puisque le Danemark est déjà qualifié. Donc France-Danemark, mercredi 20h. Ouais, gros match. Gros match. Il faudra alors au moins un nul. Alors aujourd'hui, alors on se parle, il faut un nul pour se qualifier. D'accord. Mais peut-être que mercredi, l'Islande jouera avant, jouera à 15h, je crois. À 15h30. Si l'Islande ne gagne pas, il y aura possibilité même de perdre, mais faudra attendre l'Islande. Mais si l'Islande gagne face au Monténégro, ce qui est fort possible au vu du niveau du Monténégro, il faudra au moins un nul face au Danemark qui est en grosse forme, donc c'est vraiment pas fait. Mais si ça passe, il y aura une demi-finale et peut-être une finale le dimanche. En tout cas, les Bleus qui pourraient doubler après les Jeux cet été, on verra en tout cas cette semaine. Donc dès mercredi déjà pour ce match décisif. Et puis pour les Panthers, il y aura un nouveau match aussi pour la 13e journée, un déplacement pour les filles à Nice, je crois, c'est ça, à 20h30 mercredi, pour espérer marquer des points. Et une Fleury qui est pas au top, mais il faudra aller faire le match là-bas pour essayer de rapporter quelque chose. Et puis c'est où, j'ai pas entendu. À Nice. À Nice, ouais, d'accord. Ouais. Et puis pas de biathlon cette semaine, puisque c'est la préparation des Jeux, bien sûr. Ouais. Avant les Jeux la semaine prochaine, pour ça paraît logique. Pour se préparer une dernière fois, un dernier entraînement pour arriver à Pékin en forme pour évidemment se faire le meilleur score possible. Et puis les directs, c'est fini donc partout. La CAN, on rappelle la qualification de la Gambie et de la Cameroun qui se rencontrent en quart de finale. Quand c'est imposé finalement 2-0 face à Ajaccio, c'est une surprise en Ligue 2. Ouais, parce qu'Ajaccio, ils sont deuxième. Hein. Deuxième, ouais. Quand qui était 13e, donc bon, petite surprise. Et puis Annecy, Concarneau, c'est en national. Il reste, on est à 97, ça va être la fin, hein, 90 plus 7. 0-0, il n'y a pas eu de but. C'est... Et Annecy, je crois qu'ils sont premier ou deuxième. Troisième, Concarneau deuxième. Ouais, c'est ça, c'est un match de haut tableau, ça. Ouais, il n'y a pas eu de but. Et je rappelle aussi la victoire tout à l'heure de la France face au Monténégro à l'Euro de hand et qui aura son avenir mercredi face au Danemark. Voilà le programme de la semaine. Voilà, il y a de quoi s'amuser quand même avec la Coupe de France, avec l'Euro de hand, avec l'Open d'Australie. Vous avez un beau programme toute la semaine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on se quitte avec un dernier titre que tu vas nous choisir, Jérôme. Ah, je vais choisir, tiens, Elton John avec le remix avec Dua Lipa. C'est ça. Ah oui, très bon choix. Et c'est Cold Heart, bien sûr. C'est ça. Et on termine avec ça. Et on termine bien là. On termine très très bien, oui. Donc Cold Heart, c'est Elton John, Dua Lipa. Et d'ici là, donc bonne soirée à vous. Merci Jérôme. Eh bien, de rien, Rémi, passez une bonne soirée. Merci pour cette émission. Merci, bonne semaine à vous. Et merci, salut, bye bye. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Sportivement, salut. Vive le sport, ciao.